Eh oui, c'est encore nous, édition du 7 décembre 2013, la dernière édition de l'année. On fait donc la rétrospective des acquisitions de Apple durant l'année. On fait le best-of 2013 de iTunes Store selon Apple. Et bien sûr, toutes les autres nouvelles sur le monde Apple. Bienvenue tout le monde, comme je le disais, à cette dernière édition 2013 du podcast Mac Québec. Je suis avec mes acolytes pour la soirée, Jean-François Roy, qui est là comme un seul homme. En fait, tu n'étais pas là la dernière fois, mais là, tu es là. Non, je n'étais pas là la dernière fois, non, mais là, c'est ça. Là, j'ai pu ce soir. Excellent. Et Jean-Michel, qui a dû se désister, je l'ai donc remplacé par ce frisé qu'on aime bien, nous, à l'émission, Mathieu Marano. Salut, groupe. Salut, ça va bien? Très bien, toi? Oui. Good. Est-ce qu'on va avoir peut-être des nouvelles par rapport au Mac Pro à donner? Ben, je sais que t'aimes bien écoute, ça, Marc, parler de ça. Je l'aime bien, mais de là à dire qu'il sort demain, je n'en ai pas la moindre idée. On pensait que c'était le 16. Oui, ben en fait, les mardis, jeudis, d'habitude, Apple, ils aiment ça sortir des trucs ces jours-là, puis il n'y en a plus beaucoup en décembre, là, fait que on se dit que c'était peut-être cette semaine. Fait que, mais non, mais il y a plein, je pense qu'il y a plein de trucs qui sont sortis, là, déjà, ils disent qu'ils ont, des clients ont commencé à recevoir des prix pour des stations, il y a des prix des options qui ont peut-être... Leakés. On va parler de ça tout à l'heure. Puis il y a plein de bidules là, qui ont été annoncées aussi pour... l'objet. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, le podcast Mac Québec est une émission bimensuelle, ou en tout cas on essaye, produite par l'équipe du site www.macquebec.com et c'est évidemment sur l'univers Apple, c'est-à-dire tout ce qui est Apple, iPhone, Mac, tout ça. Et comme c'est une émission spéciale de Noël, ben on a notre petit Baileys et notre petite crème de menthe sur glace. On a la petite crème de menthe, ceux qui me connaissent vont... Vont te reconnaître. Vont me reconnaître là. La vette. Juste la vette. C'est celle que. Ben, en fait, la couleur va très bien avec le décor de mon studio au Canada. Fait oui, que, oui, ça va avec. Ça fait Noël. Ça, tu rajoutes ça tout de suite, c'est Noël. Effectivement. Voilà. Au cours des deux prochaines heures, nous passerons en revue les nouvelles du monde Apple des deux dernières semaines, répondrons à vos questions posées par des membres de la communauté Mac Québec et présenterons nos trouvailles de la semaine. As-tu des trouvailles, toi, Mathieu? Qu'est-ce que j'ai trouvé cette semaine? C'est pas tout de suite. J'en ai, puis je vais écoute, entre deux commentaires des copains, je vais vous trouver ça. Excellent. Les auditeurs peuvent nous soumettre leurs questions pour la deuxième section du show qui s'appelle Les amateurs de Mac, bonsoir, qui est un défunt show qu'on a. On a fait un merge stratégique. Ouais. On l'a incorporé au podcast. Voilà. Et vous pouvez nous poser vos questions sur les problèmes sur les différents produits Apple en utilisant les moyens habituels, soit via Twitter en utilisant le hashtag PodMQ qu'on va essayer de suivre pendant la diffusion, sur la plateforme Mac Québec Entraide au www.macquebec-entraide.com ou en écrivant au podcast@macquebec.com. Je donne pas le numéro de téléphone parce que ce soir, on ne l'a pas. En fait, le numéro de téléphone, il vient avec Jean-Michel. Puis Jean-Michel n'est pas là. Il ne pas, il travaille à soir. C'est ça. Hein. Il est en train de suivre une formation d'élite. On aimerait, parce que ça ne se fait pas tout seul, un show comme ça. En fait, on peut le faire tout seul, mais c'est bien plus facile de le faire avec d'autres membres. Oui, en groupe, là, entre amis. Entre amis. Donc, nos amis, notre liste d'amis, en fait, voici, c'est ClickPom qui nous prête ses locaux et moi par la même occasion. Quapucam, qui est au 279 Sainte-Catherine-Est. Et si vous cherchez un iPad mini à offrir à Noël, eux, ils en ont en stock. C'est le même prix que sur le site d'Apple. Donc, on vous suggère d'aller les voir. Reptile Tech, les spécialistes en solutions web multiplateformes, qui nous donnent un sérieux coup de main tout au long de l'année, mais surtout quand on fait des diffusions spéciales pour être sûr que le site web ne s'écroule pas. iRepair Montréal. Ouais, t'allais dire, Jeff. iRepair Montréal, les sauveurs de vie professionnelle que je suis allé rencontrer il y a quelques semaines de ça, en me promenant sur Sainte-Catherine. C'est la première fois que je visitais les nouveaux locaux. Puis les gars font de la réparation guerrière. Là. C'est sauvage. Ils ont commencé par réparer les iPhones. Bon, ta prise d'écouteurs, ton bouton home, ton écran, ça, les yeux fermés, ils font ça. Là, ils sont rendus comme une étape plus loin. Avec des enclumes puis tout, là? Oui, oui, okay. Voilà, ils faisaient ça comme ça. Là, ils sont rendus une étape plus loin. Ils ont un bain sonique. Donc, c'est un appareillage, en fait, qui est utilisé pour nettoyer les pièces électroniques. Si, par exemple, vous avez échappé du café dans votre keyboard et que vous avez réussi à fermer l'ordinateur à temps avant qu'il y ait un court-circuit, à ce moment-là, vous le ramenez, eux vont le démonter, vont le nettoyer. Il n'y aura pas d'oxydation due au sucre ou à quoi que ce soit dedans. Donc, ils peuvent faire comme ce nettoyage-là. Comme du nettoyage à sec. Oui, effectivement. C'est fait avec de l'alcool à friction. Ils le mettent là-dedans, ça vibre, ça enlève tout. C'est... Exactement. Donc ça, c'est le premier truc qu'ils ont. Et si jamais vous avez pas eu le temps de fermer l'appareil et qu'il y a eu un court-circuit, fort probablement qu'il y a une résistance sur le motherboard qui a brûlé, eh bien, ils sont équipés d'un microscope et de tweezers spécial pour aller chercher la pièce et ils peuvent en commander et les changer. Ils font de la réparation de motherboard. C'est pas à 100% garanti, évidemment. C'est un SWAT team, la réparation. Ah, c'est un SWAT team. C'est sauveur de vie professionnelle. Okay. C'est assez solide. Donc, on vous les recommande. Et si vous allez faire un tour là-bas, les gars seraient bien contents d'apprendre que c'est nous qui vous avons envoyé. Dans le bon Noël, on donne une carte cadeau, je pense, On donne une carte cadeau, effectivement, de iRepair. Fait que là, je suis automatiquement plus éligible. Exactement. T'as testé si ça fonctionnait. Je vais aller enlever ton nom sur le site. J'ai 6 participations. Parce que je voulais tout tester si ça fonctionnait. Ah. Ça fonctionne tout. Mais ils me donneront pas les prix si je gagne. Ah. Et un nouveau commanditaire à l'émission, et Mathieu pourrait même nous en parler, c'est Linus qui est commanditaire pour le podcast et en fait pour le site web. Linus, c'est quoi? L'Institut de l'image et du son. L'Institut national de l'image et du son. Bravo, on y travaille, je pense. Oui, je suis un des professeurs à l'INIS. En fait, l'INIS ont plusieurs divisions. Donc, ils ont les programmes cinéma, scénarisation, tout ça, qui est vraiment des programmes, je pense, sur 6 mois. Complet, 8 mois, là, tu sors de là, tu es prêt à faire de la télé. T'es un homme. OK. Puis sinon, t'as la formation continue. Qui est t'as le programme Espresso. En fait, ce sont des formations continues d'un jour, deux jours, des formations plus pointues, disons, sur un logiciel. Il y a les formations Apple, donc tout ce qui est macOS, programmation aussi pour les iOS. Le terminal, il y a des cours de Deploy Studio, il y a des cours de Deploy Studio d'un paquet de trucs. Fait qu'il y a tout ça, puis il y a les formations aussi plus industrie, télé, cinéma. Moi, c'est là-dedans que je donne des cours, donc en étalonnage, en format numérique. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi la différence entre un Windows Media puis comment on fait pour livrer un QuickTime sur YouTube, je donne ce cours-là. Fait que, à l'INIS, sont bien ouverts aussi en entreprise, si vous voulez, des formations sur mesure. Oui, effectivement. Ils sont en train, en fait, d'en faire de plus en plus. Et même chez ClickPom, on est en train de proposer, en fait, les cours de l'INIS. Fait que j'appelle Virginie, je fais « Hey, j'ai un client, il a besoin de telle formation, t'as-tu quelqu'un? » là, il y a des trucs à propos du workflow. On a différents endroits où il y a des problèmes au niveau du workflow. Fait qu'on est en train de regarder ça. Ben, tu sais, deux personnes qui ouvrent un InDesign en même temps, là, ça donne pas des bons résultats sur un serveur. Fait que ils vont donner des cours de ça. Moi, je suis allé en suivre un il y a quelques semaines, un cours à l'INIS. C'était à propos des MDM et du Apple Configurator pour l'iPhone. C'est des outils qui permettent de faire un déploiement plus massif d'une flotte de téléphones que de simplement le connecter puis d'en avoir 22 là, sur son iTunes. Tu vas pouvoir updater tes 8 téléphones en même temps? Exactement. Exactement. C'est pour ça que je suis allé. Et bloquer des options que tu veux pas que personne utilise. Tiens, on s'en vient intime, toi puis moi. Oui, hein, c'est comme... on partage des choses dans le micro. Et il y a Mathieu qui est professeur là-bas, mais si vous nous avez suivis depuis quelques semaines, quelques mois, il y a Geneviève Lajeunesse qui se joint à nous de temps en temps, qui elle aussi est une étudiante de l'INIS. Donc, j'ai vu ça sur son profil Facebook aujourd'hui, je me suis dit, je vais le plugger. Ben oui, t'as bien fait. On la salue. Voilà. Donc, tout juste avant de tomber dans les nouvelles En fait, on s'en va aux nouvelles de Mac Québec. Mac Québec, le podcast. Ah, c'est bon ça. Ah oui, oui, il faut les faire. Attends, c'est un petit peu plus loin. Parfait. Donc, au niveau des nouveautés pour le site web de Mac Québec, Jean-François, qu'est-ce qui se passe de ce temps-ci? Bien, on a annoncé cette semaine, Marc-Antoine plutôt a annoncé que la nouvelle version de l'application MQ Mobile, version 3, va être disponible après les fêtes, parce qu'on sait qu'Apple ferme le iTunes Connect du 21 au 27 décembre. Oui. Fait qu'il n'y a pas un développeur qui peut envoyer son application pendant ce temps-là. Elle est envoyée. Fait qu'on va attendre L'approbation d'Apple, d'Apple, puis ça devrait être disponible. Après les fêtes. Elle est très belle. Je ne l'ai pas téléchargée. Ah, moi, je l'ai téléchargée sur mon iPhone. Elle est vraiment très belle. Elle est très simple. Elle suit les guidelines de iOS 7. Elle a vraiment tout dedans. Donc, il y a l'écoute du podcast en direct, l'écoute des anciens podcasts, les nouvelles, les Mac est dedans. Fait que tu peux aller directement sur les Macs, sur Mac Québec Entraide, et la diffusion vidéo est même dedans. Donc, On fait-tu un petit teaser sur la TV en arrière de nous autres? On peut. Attends, j'ai-tu mon téléphone pas loin? Moi, je l'ai pas. Il n'y a pas celle-là, non? Non. Donc, on va ouvrir le téléphone. Ah ouais, débarre ça avec ma... Exclusif. Tu. Dévoilement. Non, exclusif. Comme les bulletins de nouvelles, tout est exclusif. En primeur. Ouais, c'est ça. En primeur, exclusif. C'est comme... On voit en arrière ici mon téléphone et je vais aller chercher l'application MQ Mobile qui est très très loin dans mon setup. Tente pas de faire une recherche, ça va plus vite. Non. Voilà, donc ça c'est la nouvelle icône. Chargement en cours. Ça devrait être changé en fait d'ici, c'est un commentaire que j'ai envoyé, mais tu sais, t'as pas ouvert encore l'application puis on te demande de la noter. Fait qu'au pire, faites me rappeler ultérieurement. Ouais. Je vais faire non merci. Donc, on a ici, en fait, les nouvelles. Tiens, d'ailleurs, la première en haut. Le feed RSS qui apparaît complètement sur la page d'ouverture. Oui, effectivement. Donc, une petite publicité, je pense. Non, il n'y a même pas de publicité dedans. Il va peut-être en avoir éventuellement. Est-ce qu'on va mettre la publicité de par-dessus les images? Ah non. J'espère que non. Je ne pas. Mais justement, ici, on a une autre nouvelle à propos du site web de Mac Québec. Il y a quelques semaines, en fait, on a participé au MIB, donc je ne sais pas c'est quoi pour MIB, Men in Black Award, mettons. Puis, en fait, on est très heureux parce que la première vague, on l'a gagnée. En fait, on faisait partie des finalistes parce que vous avez voté pour nous. Donc, section technologie. Exactement. Et les jurys ont décidé de nommer Mac Québec site web numéro 1 technologique. Parmi ceux, on va modérer un peu. Là, on va pas s'enflammer. J'ai gagné quelque chose, moi, là? Non. Oui, effectivement. Bravo, Mathieu, pour tout cet bel effort. Ce awards. J'aimerais remercier ma famille, mes amis, sans qui... Dieu. Ben oui. Donc, on a gagné le MIB, mais la nouvelle, c'est que un peu comme dans Glee, où est-ce qu'on gagne le régional, là, on s'en va au national, ou en fait, plus à l'international. Et là, c'est avec le podcast où on s'inscrit au Stitcher Award. Stitcher est une plateforme, en fait, qui permet de faire sa playlist de podcasts. Donc, les podcasters fournissent leur show à la plateforme. Et les gens qui sont inscrits peuvent choisir les shows. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que Stitcher a poussé beaucoup, beaucoup l'intégration de sa plateforme dans les automobiles. Et il y a certains véhicules, certains fabricants d'automobiles qui vont inclure Stitcher dans leurs autos pour 2014. Okay. Donc, c'est l'entrée du podcast dans les autos et ça vient de changer la game. Teintre pas l'arcan. Exactement. Hein? Ben, tu pourrais prendre un autre exemple que mon ami Paul. Okay. Teinte, oui. Après Paul, c'est qui, non? Je sais pas. Marie-France Bazot. Ouais, OK. Teinte. Justement, elle a un podcast, mais à podcast TV. À l'émission, ouais. Ouais. On continue donc. Donc, on va avoir besoin de vous, en fait, parce que là, on se bat contre les hauts de ce monde. Les hauts de ce monde, les gros de ce monde. Surtout en technologie, au niveau international, là, on est une petite goutte infime dans l'eau. Mais si vous votez pour nous sur à peu près tous les ordinateurs que vous croisez pendant une journée, on a peut-être une petite chance de se glisser dans le top 100, là, mettons. Ouais. Comme donc, plusieurs personnes qui nous écoutent vont souvent au Apple Store. Oui, effectivement. Sans réserver une coupe de vote, peut-être. Oui, ça peut être intéressant. Vous passez tous les iPads, les iPhones. Ils ont la même adresse IP, ils sont juste séparés par un routeur. C'est pas grave. On va, dans la deuxième partie de l'émission, on vous montre comment faire un VPN. Change d'adresse IP aux 15 secondes pour pouvoir voter autant que vous voulez. Ça peut être utile, par exemple, pour, faire rentrer Dave Morissette au match des étoiles ou... ça aurait été drôle dans ce temps-là qu'on fasse quelque chose comme ça, tu sais. Il y a une faille de même, puis... donc, c'est ça. Donc, le podcast Mac Québec participe au Stitcher Award. Pour le MIB, à part le fait de pouvoir se vanter puis que Mathieu puisse remercier sa famille, il n'y a pas de prix qui viennent avec ça. Ah, le chèque n'est pas normal. Il y avait certains commanditaires qui offraient des prix, mais j'ai l'impression que ça ressemble plus à du lifestyle. Tu sais, c'est plus... c'est plus les foodies puis tout ça qui ont peut-être gagné de quoi. Okay. Nous, en technologie, on est le niveau zéro du blog. Parce que tout le monde blogue en technologie. Ouais. On va partir un blog de mode. Oui, voilà. Mm. Ou de frames de lunettes. Hein? Ouais. Hein? Voilà, ouais, on pourrait faire ça. On va faire un podcast sur les frames de lunettes. Ouais. C'est tellement anticlimatique. Fait que, on peut-tu montrer le reste de l'application? Oui, oui, tout à fait. Donc, je reviens. À la deuxième page. Oui, c'est ça. Et on a, en fait, comme je disais, elle est toute simple. Et tout ce qu'on a, c'est la petite barre ici, qui est très belle, avec, tu sais, juste le logo de Pyroxo. Oui, c'est ça, je l'ai bien mentionné. Parfait. Donc, on a l'actualité, le podcast en deuxième, il y a le forum et l'entraide, il y a la boutique, il y a les Macs et il y a en direct. Et les contacts. Fait que si, mettons, vous voulez, je sais pas, un cadeau de Noël, ben vous pouvez aller dans notre boutique et vous avez le lit en bois pour votre iPhone et iPod à 25$. C'est super chouette. Vous l'accrochez après une prise de courant avec l'adaptateur secteur du iPhone, puis ça tient. Il n'est pas obligé d'être à terre, puis votre chat ne mangera pas les fils. On a-tu mieux dans le bon Noël, là, ça? Non, ça aurait été une bonne idée. Ben oui, ben je viens de penser à ça. Ben oui. Ah, on pourrait peut-être... Je sais où est-ce qu'on pourrait l'envoyer pour le faire tirer. Appuie donc sur en direct, juste pour voir. En direct? Là, ça va être fucké parce que ça se peut qu'on soit là. On va-tu être là? Non, parce qu'il faut qu'il parte. Faut qu'il parte la vidéo, mais je veux pas le faire partir. Je voulais juste voir ce que ça donnait comme image. OK. OK. Mais attends. Une erreur s'est produite là. Ouais, on est en bêta. Hein? C'est ça. Ouais, c'est là pour ça. Awesome. Fait que je sais pas si Pyroxo nous écoute là, mais le YouTube marche pas. Le YouTube marche pas, mais c'est pas grave, on a encore le temps. Fait qu'on bêta teste devant vous. Donc en fait, on tient aussi à vous rappeler qu'il reste. On parlait du Bon Noël tout à l'heure. On tient aussi à vous rappeler qu'il reste une semaine pour participer au concours du Bon Noël. C'est le concours à date qui a amené le plus de participation. Mathieu, tu viens de te faire éjecter du concours, mais jusqu'à maintenant... Non, j'ai gagné un prix, moi je suis correct, la journée est faite, c'est bon. C'est bon. Donc, vous courez... en fait, on n'a pas fait un bon Noël, mais bien une paire de bas. T'sais, les autres. Ben oui, parce que tu sais, il y a d'autres shows qui font tirer des bonnes Noël et qui bon sont les précurseurs en la matière. Puis eux autres, c'est juste un bon Noël. Bon, OK, tu me diras que. Il y en a trois maintenant. Hein? Ah, il y en a trois, oui, OK. Parce qu'ils ont eu trois PlayStation 3. Fait qu'ils font trois petits bas. Ben, okay. un gros bas, un moyen bas, puis un petit bas. OK, c'est bon. Fait que chaque petit bas va avoir sa PS3. Excellent. Ben, c'est une bonne chose. Ben ouais. Et voilà, ça fait le tour des nouvelles du site web de Mac Québec. Sinon, messieurs, est-ce qu'on a des coups d'os ou des coups de 12 cette semaine? T'en as-tu? Je vais y aller. Ouais, pensez à vos affaires. Moi, c'est deux coups de 12 pour la même compagnie. Pour la compagnie Rio, qui font... comment ça s'appelle, non? Ceux qui font Angry Birds, j'ai perdu le nom. Rovio. Ouais, qu'est-ce? Le premier coup de 12, ça va à l'application Angry Birds Go, qui est le supposément Mario Kart du iOS. Ah ouais, j'ai vu ça, ouais. Les achats in-app, dans cette application-là, tu peux te payer un char pour la modique somme de 96$. Ah ouais? 96$. pour un petit char avec un petit bonhomme à l'intérieur qui va tuer tout le monde. Là. C'est-tu la seule manière de l'avoir? Oui, c'est dans le in-app. OK, fait que c'est pay to cheat. Là. Oui, c'est pay to cheat. Ouais. Tu peux pas l'avoir après une semaine de travail maintenant. Non, même pas, tu sais. Okay. Puis, le deuxième char après, c'est 50 $, je pense. C'est que c'est ça commence à faire cher de la bagnole. Ça commence à faire cher de la bagnole. Et mon deuxième coup de 12 pour la même compagnie, dont maintenant je suis propriétaire d'une console next-gen, une PS4. Et en m'amusant sur le PlayStation Store, j'ai remarqué qu'il y avait Angry Birds Star Wars. OK. 50 $. Sur la PS4? Sur la PS4 et la Xbox. Ils te vendent le jeu 50 $ sur les consoles next-gen. Y a-tu une amélioration graphique? Non, c'est la même maudite... C'est un Matrix Effect. Ouais, c'est ça. C'est le même affaire. C'est le même jeu que vous utilisez sur votre iPhone, iPad, mais ils vous le vendent 50 $. Fait qu'à ce prix-là, tu peux t'acheter l'adaptateur HDMI pour ton iPad, te brancher dans le ouais. Xbox. Ben, en fait, ça paye 50 $ sur ta Apple TV. Hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça assez dégueulasse quand j'ai vu ça à partir de cette semaine. C'est fourré le monde à la planche. Là. C'est qui le niaiseux qui va payer 96 $ pour un char qui va clencher tout le monde? Et vous savez que moi, je me plains souvent sur les achats in-app puis ce qu'ils font. Et, en tout cas, mais c'est ça, c'est un peu poche. Commence à être assez fatigant de ce côté-là. Effectivement, à peu près tout ce qu'on télécharge de ce temps-ci, il y a vraiment tout le temps l'intégration du in-app purchase. Puis tu y goûtes un petit peu, puis là, tu fais « Ah, je vais y aller ». Moi, il y a un jeu niaiseux auquel je joue, puis j'en ai acheté des trucs dedans, ce qui n'est pas très sain. Je t'achète pas, moi. Voilà. Sinon, toi, est-ce que peut-être du côté vidéo ou quelque chose? Oui, ben moi, j'ai remarqué quelque chose qui est bien le fun. Puis je voulais féliciter trois compagnies en fait qui ont un peu suivi. Parce qu'on avait parlé déjà du Mac Pro il y a quelques semaines. Oui. J'étais pas assez. Puis Apple qui avait décidé de mettre des cartes AMD. Puis là, nous, en vidéo, on disait toujours on fonctionnait en CUDA d'NVIDIA. Et cette semaine, en fait, depuis deux semaines, trois compagnies ont annoncé des mises à jour, même gratuites pour les applications compatibles OpenCL. Pour supporter l'OpenCL, qui est l'équivalent de CUDA, mais du côté des autres. C'est ça. Donc, il y a Adobe qui a sorti leurs applications, là, en fait, le magnifique Creative Cloud, qui nous envoie les updates au fur et à mesure qu'ils sortent. On est bien contents. Donc, il y a plein de logiciels maintenant qui étaient CUDA, maintenant compatibles sur Mac, OpenCL, Blackmagic Design aussi, qui ont sorti leurs applications compatibles OpenCL avec la petite Switch. CUDA ou OpenCL, tu peux choisir. Ah, okay. Avant ça, c'était vraiment limité. Puis d'autres compagnies comme Red aussi qui nous obligeaient, même eux autres, qui ont fait comme acheter notre carte propriétaire ou aller vers l'OpenCL. Ah, bon. Faut dire que OpenCL il est juste sur Maverick, je pense. C'est-tu sur... C'est la version qu'ils ont changée, je pense. Oui, ils ont amélioré un petit peu la version qui est en 3 points, je ne sais pas quoi. Là. Mais c'est tout. Qu'est-ce que ça fait, l'OpenCL, exactement? Ben, en fait, l'OpenCL, c'est des instructions qui, au départ, au lieu de les envoyer directement à ton processeur, on les envoie à ta carte graphique qui est optimisée pour faire ce genre de calcul-là qui est soit redondant, soit qui est de la manipulation d'image ou de calculer tout ce qui a rapport à quelque chose qui aurait pu être au 3D. Donc, c'est un dérivé du GL qui était vraiment les calculs 3D faits de la carte pour les jeux. Okay. En fait, comme OK, mais les calculs qu'on fait pour ça, pour lesquels on a optimisé notre carte, dans l'application ABC, on pourrait s'en servir parce que pour ça, on est beaucoup plus efficace qu'un CPU. OK. Fait que avec ça, on est capable de déloader le processeur, le CPU, puis envoyer ça à la carte graphique. Excellent. Moi, il y en a un coup d'os ou un coup de 12 qui m'était venu. J'ai complètement oublié. Donc, on va passer de ce fait aux nouvelles. MacQuébec.com Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. Mac Québec, le podcast. Merci Bernard pour cette excellente pub et cet excellent tagline du meilleur de la pomme sans les pépins. Je les aime, nos jingles. Ouais. S'il y a quelqu'un qui est endormi, là, c'est pow, ça rentre dedans, ça réveille. On va commencer avec les nouvelles. Et puis là, on y va en fait avec les brides d'informations qu'on a parce que on a pas plus. On pensait jusqu'à maintenant, il y avait deux dates qui avaient été émises pour la sortie du Mac Pro, qui, on le rappelle, doit sortir en décembre 2013. Donc, il reste encore moins de 20 quelques jours. Puis en fait, si on enlève une semaine à ça, là, parce qu'il n'y a personne qui va sortir d'ordinateur le 26 décembre, il faudrait être malade dans la tête. Mm. Mais bon, ça se pourrait, finalement. Moins d'être gêné de sortir l'ordinateur, faire comme « Ah, je vais sortir le 26! » Oups, ça va passer pendant deux semaines. Là, voilà. D'habitude, non. Hein, ils font pas ça. Non. Donc, on pensait que c'était le 12 ou le 16. Les deux dates étant passées, on se demande encore quand est-ce que c'est. Puis là, vous pouvez mettre vos jetons où vous voulez. Évidemment, les chances de gagner grandissent de jour en jour. Là. C'est sûr que quelqu'un va l'avoir. Par contre, iPhone in Canada et Mac Rumors, en fait, je ne sais pas d'où provient la fuite, mais on aurait les prix des upgrades, donc du bill to order. On savait déjà que les ordinateurs, on avait été pas mal impressionnés par les prix d'entrée de gamme à 3099 et 4099 pour des machines qui sont quand même respectables. Ensuite, on a vu les benchmarks qui sont évidemment pas mis à jour pour profiter en fait peut-être des nouveautés qu'ils ont mis là-dedans, mais qui se retrouvent quand même, là, faut acheter le top of the line pour s'assurer de dépasser, et pas de beaucoup nécessairement, le 12 corps qu'on avait dans la râpe à fromage. Là. C'est comme ça qu'on l'appelle, l'ancien. Les prix, on a regardé en fait, un des trucs qu'on fait toujours quand il y a un nouveau Mac Pro, c'est combien de reins je serais obligé de vendre pour me l'acheter. 3. Oui, c'est ça. parce qu'un rein, c'est 3 000 $. Donc, à ce moment-là, on bourre l'ordinateur au maximum et on regarde. Puis on s'est retrouvé un peu avec les prix de ce qu'on avait précédemment. Quand on foule un ordinateur, bon, c'est sûr que avant on avait la possibilité de mettre 4 disques durs dedans. Donc, c'est sûr que ça augmente le prix. Mais j'ai fait le petit calcul, puis au maximum des capacités de la machine, on arrive à 10 099 $. Donc, c'est sûr que c'est une machine à 12 000 et plus au niveau des taxes. Et ça, c'est le prix US. Mais c'est ça qu'on avait dit quand il l'avait présenté. Oui. Quand on avait fait, on avait calculé les prix des cartes, on avait fait à peu près aux alentours de ça. Grosso modo. Puis ils ont réussi quand même à avoir un ordinateur entrée de gamme qui était quand même moins cher. Celui à 1099, là, c'est celui-là qui aurait 12 cœurs, 64 gigs de mémoire, 1 téra de disque dur PCI Express et 2 cartes vidéo D600, si je me trompe pas. D700, je pense. Les D700? Les 700, les grosses, oui. Donc, il y en aurait 2 dans la machine. Donc, à ce moment-là... Puis ça fait quand même 4 400 $ de cartes graphiques, là. Ouais. Faut dire que le shipping est gratuit, au moins. Ah, c'est cool, merci. Mais c'est pas le. Il y a quelques semaines, il y a eu la version Red qui a été vendue à un prix, je pense que c'est en bas d'un million, 917 000. Ouais. J'espère que c'est cette version à 1099 quand même qui était dedans. Ce serait décevant que le gars l'ait acheté et qu'il se retrouve avec un processeur 6 cores, 6 gigs de mémoire, puis le petit disque dur de 256. Donc, on espère pour lui qu'il y ait la grosse version. Mais on reste quand même dans les prix, même si c'est des machines qui sont impressionnantes au niveau du prix, le 12 000 $. C'est pas tout le monde qui va rentrer dans un Apple Store et acheter ça. Est-ce que de ton côté, est-ce que t'es dans le domaine, tu parles à d'autres gens, est-ce que la réponse est bonne? Est-ce que les gens sont... Oui, il y a bien des gens qui attendent. Il y en a qui attendent ça. Il y en a plus que les features, c'est vraiment le form factor qui sont réticents. Là. Okay. Surtout, je parlais justement cette semaine, j'amenais un cours à beaucoup de gens de plateau qui se promènent avec un Mac Pro. Puis quand ils se promenaient avec leur Mac Pro, ben tout était dans le Mac Pro. Oui. Il y avait un écran, un clavier souris. Tandis que là, ben, ils vont avoir un Mac Pro, un I.O., des disques durs externes, plein de trucs autour. Fait que ils voyaient avec les bras, plein de trucs. Ils trouvaient ça moins le fun. Il va y avoir des cases qui vont être fabriquées pour... C'est le pari que j'ai fait avec eux. J'ai dit, regarde, en dedans d'un mois, il y a quelqu'un qui va avoir sorti un rack mount, puis on va pouvoir le mettre dedans. Puis si quelqu'un ne sort pas, ben on s'en fabriquera un avec oui, c'est ça, là, ça se fait à la main, puis ça se commande bien, là, des rack mount custom, là, c'est pas très ça va cher. Ça va être du 3U, par exemple, là, il faut qu'il y ait une certaine hauteur pour faire le 8 cm de diamètre. Ça, là. Mais tu sais, mettons, je sais pas si tu as vu le rack mount qu'on amène quand on fait la captation ici vidéo, c'est un 4U, puis c'est 260$. Ouais. Fait que c'est pas la fin du monde non plus pour pouvoir mettre tous tes outils dans un rack puis amener ton Mac Pro puis qu'il soit barré là-dedans. Ça m'inquiète pas. Sinon, le fait qu'il n'y ait plus deux processeurs, mais juste un. Il y en a deux si tu le commandes au max. Ah oui, c'est deux dos. Oui, c'est deux. C'est deux 6 qu'ils mettent dedans. Okay. Ouais, pour un total de 2. Mais ça, de toute façon, maintenant, comme vraiment la plupart des applications maintenant vont vers les GPU. Oui. C'est moins important. C'est moins important. Les GPU sont beaucoup plus importants. C'est un processeur, c'est pardon. Un? Ouais, bon. un 2.7 de 12 cœurs. Donc, 12 fait fois 2.7, ça donne plus que 24 GHz de puissance. Fait que y a ça. Sinon, comme moi, je suis un de ceux qui sont déjà équipés en bidule Thunderbolt. Là. Okay. J'ai un iMac 27 pouces, j'ai un MacBook Retina. Fait que d'avoir un Mac Pro à côté, ben je m'achète un écran ou je me sers de mon 27 pouces comme écran puis je roule. Là. Fait que pour ça, c'est plus ou moins un problème. Fait que non, il y a pas tant de à part le form factor, il y a pas tant de. C'est juste que le prix d'achat d'un nouvel le I/O, les cartes que tu voudrais y mettre. Tu es obligé d'acheter un racking pour mettre ça à l'intérieur. Donc, avec le Thunderbolt 2, ça va être possible. Les cartes de son vont très bien rentrer dans ce type de racking-là. Ouais. Les cartes vidéo, on en avait parlé. Ben là, ça commence à sortir. Okay. Les disques durs et les cartes d'I.O. commencent à rentrer en rack mount. Okay. Il y a Blackmagic qui avait sorti le Ultra Studio 4K, qui était rack mount. Puis on dit, ah, ben bravo, tous ceux qui l'ont déjà acheté, ben vous avez acheté un unit Thunderbolt 2. Vous ne saviez pas, c'est Thunderbolt 2. Il y a rack mount, puis là, il y a plein de nouveaux features qu'on a comme « Ah, regardez, ça fait ça aussi. » Ah oui? Ça, on est content. OK. Je pense qu'il y a OWC aussi qui a sorti un rack mount Thunderbolt avec 4 disques. OK. Sinon, les Promise sont sortis cette semaine. Les Raid Promise Thunderbolt. Ils ont été annoncés. Nous autres, on en a en commande. Mm-hmm. Puis, ils n'arrivaient pas. Puis, on était là, pourquoi ils n'arrivent pas? Puis, on faisait, probablement parce que les Thunderbolt 2. Mm-hmm. Fait qu'en fait, Promise a fait comme Robocop, comme Michael Keaton dans Robocop. Ils ont fait, la puce est dedans. Faites la mise à jour du firmware. Puis, make it black. Fait que c'est tout ce qu'ils ont fait parce que c'est le même unit, c'est la même chose. Plutôt qu'à être argent, il est noir, puis il est Thunderbolt 2, mais il l'était déjà. Puis ils ont sorti le 8 disques. Oui, avant, il y avait le 4, le 6, maintenant il y a le 8 disques. Le 8 disques, 32 terabytes de disque dur, qui est montable en RAID 50, en RAID 5.0, avec des failures de 3 disques. Okay. Donc il y a 3 disques sur les 8 qui peuvent planter. Par contre, tu as 24 terabytes de disponibles si tu le mets comme ça. Mm. Tu en as 28 si tu le mets en RAID 5. Okay. Fait que ça fait... Puis c'est quand même... C'est haut, là, mais tu sais, il te montre une photo... C'est plus gros que le Mac Pro. Oui, c'est ça. C'est plus gros que le Mac Pro qui va à côté. Ouais. Voilà. Mais je suis en train de checker sur le refurb d'Apple... Le plus haut que tu peux aller sur le refurb parce qu'ils ne vendent plus le Mac Pro. Oui, effectivement. 5003 qu'ils vendent. OK. Puis c'est quoi qu'il y a dedans, c'est lui? Un 2 6 coeurs Xeon de 3.06, de 12 gigs de RAM, tu as 1 TB de disque dur, tu as le CD, puis tu as une ATI Radeon 5770 de 1 gig. Fait que c'est clairement moins puissant que la machine qui va oui, sortir. Oui, c'est ça. On change de braquette. On change de braquette, on change de technologie complètement. Là. Puis, à l'utilisation, toi, t'en as utilisé. Le point de vente de Apple, c'est vous pouvez faire du montage 4K facile sur 3 écrans, blablabla, bla, bla, sur ouais. ces machines-là. Est-ce qu'une machine à 5000 comme ça, on est capable de rouler du 4K actuellement? Oui. Ah, OK. Donc. Oui. Ben en fait, présentement, qu'est-ce qui limite le 4K? Non, ça va dépendre de ton disque dur. Les autres, ils disent que tu peux tout faire dedans, mais jamais tu vas rouler du 4K sur le petit disque SSD qu'il y a dedans. Là, OK. Ou PCI ultra rapide. Il n'y a pas assez de place. Tu as ton système là-dessus. Tu ne veux pas rouler ça là-dessus. Non, c'est clair. Fait que, tu ne veux pas faire ça. Mais sinon, oui, c'est peut-être juste les connexions des écrans qu'il n'y a pas. Okay. Tu peux brancher une carte pour te donner ta vidéo en 4K à côté. Mais de toute façon, d'avoir ton 4K dans le logiciel, tu vas l'avoir dans une petite fenêtre dans le coin. C'est un logiciel de montage ou même que ce soit iMovie. Quand tu as ton petit vidéo dans le coin, ben, tu ne l'as pas plein écran à acheter. C'est vrai. Correct. Tu n'en as pas besoin. Il y a eu des écrans qui ont apparu rapidement sur le store européen. Ouais. Et qui ont disparu, c'est des Sharp. C'est un Sharp qui est apparu 32 pouces, probablement EXO 4K. Je ne sais pas s'il était EXO, mais je sais qu'il était 4K. Et il a disparu très, très rapidement. Et puis là, les écrans Thunderbolt de Apple commencent à être vieux. Donc, on pense qu'il y a peut-être des nouveaux écrans qui vont être annoncés avec le Mac Pro pour matcher la couleur, pour matcher les connectiques, pour avoir peut-être le 4K. Parce que je pense que c'est plus facile de faire du 4K sur les écrans que de faire du Retina sur un écran de cette grandeur-là. Donc, mais ça demande moins de processing. C'est ça. T'as pas le resizing à faire. Fait que oui. Effectivement, mais là, ça pleut, les écrans. Il y a Dell qui ont sorti leurs écrans 4K. OK. Fait que, puis ils sont connus pour avoir à peu près les mêmes fournisseurs qu'Apple. Effectivement. Fait qu'ils ont sorti, là, ils annoncent deux 24, donc un vraiment pas cher. OK. Un 27, puis un dans les 30. OK. Fait que, puis ils sont disponibles maintenant. Fait qu'on peut les acheter en DisplayPort. Ils sont intéressants, ces écrans-là, habituellement, parce que ils peuvent balancer à peu près tous les côtés. On peut les flipper d'en avant en arrière, on peut les monter, les descendre, on peut les tourner souvent. Puis, faire des étapes avec. Là. Ouais. Yeah! moi, j'ai une question. À quoi sert le 4K présentement là? Là? Il sert à rien. C'est ça, ça sert absolument à rien. Là. Oui, ça sert. En fait, ça sert. C'est pas vrai. C'est pratique pour un écran de Mac, c'est pratique parce que là, maintenant, tu montes dans ton logiciel et la fenêtre que tu as dans ton coin, ton vidéo HD, il est en HD pixel pour pixel. Ça, c'est le fun. Mm-hmm. Puis sinon, il y a le côté Retina qui est le fun. Moi, je travaille sur mon 15 pouces Retina, puis ça, c'est bien beau. Sinon, à part de ça, mais il n'y a pas grandes offres qui pour... La diffusion n'est pas là, 4K. Pour la diffusion. Il n'y a même pas de Blu-ray encore en 4K. Là. Tu peux pas acheter un lecteur Blu-ray et mettre un Blu-ray 4K dessus. J'en ai pas. Ben, c'est upsizé, là. C'est... C'est upscalé. Oui, c'est upscalé, voilà. Mais je veux dire, mais vraiment non, mais les 4K. Pour l'instant, les joueurs qu'il y a sur le marché, c'est Audemax. Qui est assis avec Red, qui font des caméras 4K, puis eux autres font tout le workflow. Puis Audemax, c'est un espèce de distributeur virtuel, mais la force de ça, c'est qu'ils sont jumelés avec Red, qui font une espèce de player 4K. Et moi, si je, mettons, je suis Jean-Marc Vallée, puis je fais mon film, puis je veux le distribuer dans les salles de cinéma, ben les salles de cinéma peuvent acheter le lecteur, je pense qu'il est 1500$ ou 1700, ce qui est pas cher pour un lecteur 4K. Puis, tu le branches sur Internet, puis ça va downloader les films, puis ça va les faire jouer, puis tu peux barrer... 1500, c'est à peu près le salaire de l'étudiant boutonneux qui pèse sur le bouton, puis qui n'est pas capable de voir que son film, il est comme off-focus chez Guzzo. Je vous regarde, là. Fait qu'il y a ça, mais sinon, la distribution, non. Je parlais avec les broadcasters, Radio-Canada, puis tout ça, sont vraiment pas là. Ben, pas 1080p encore. Ben, ils sont là, mais ils veulent pas aller bien plus haut. Mais c'est ça. Il y a à l'interne ce qu'ils demandent et ce qu'ils sont capables de diffuser. Puis, juste pour dire, eux autres, pour travailler en 4K à Radio-Canada, pour chaque fil qu'il y a dans le mur, il faudrait qu'ils en passent 3 de plus pour travailler en 4K. Fait que ça leur tente pas. De toute façon, je pense que la tour de Radio-Canada a quadruplé les fils comme ça, elle tiendrait pas debout. Fait qu'ils sont pas rendus là. Sinon, ben, la réponse de ça, c'est le H.265. Mm-hmm. Quand on a le H.264, qui est le codec utilisé à peu près partout, mm-hmm. même dans les caméras, même sur YouTube, partout. Donc, maintenant, il va y avoir le H.265 qui est, comme on a eu le MPEG-1, le MPEG-2, le MPEG-4, le H.264, à toute fois qu'on augmente d'une génération, ben, on a soit deux fois plus de qualité ou, pour la même qualité, on a des fichiers deux fois plus petits. Mm-hmm. Fait que là, on attend ça. La norme est en train de se finir. Une fois que la norme va être barrée, ben là, il va falloir que des manufacturiers comme Texas Instruments tout ça fassent des chips pour mettre dans du hardware qui vont être capables de le lire ou de l'encoder et de l'amener d'une place à l'autre. Puis c'est pas demain, c'est peut-être dans 6 mois. OK. Mais on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Sinon, il y a de la diffusion 4K qui commence à se faire chez Netflix? Oui, Netflix, ça serait un des premiers... qui embarquent ça, ils ont dit qu'ils n'ont pas lancé encore, mais ils disent « Ah oui, on regarde ça », puis ça serait eux autres qui partiraient le bal, mettons, en Amérique, là, mm-hmm. parce qu'au Japon, c'est parti, là, c'est fait, les Olympiques puis tout. Là. Ah ouais? Oui, au Japon, ils sont déjà au 8K, fait que ils parlent déjà de 8K, puis les Coréens aussi. Fait que c'est ça. Parfait. Ça fait un long bout sur... sur ça, sur le 4K et tout. Mais malgré que les machines soient très chères à acheter, quand même, on a des hausses de vente de Apple de 29% par rapport à l'an passé. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est des ventes de portables et iMac, je suppose? C'est le groupe NPD qui a mis ces informations à jour, qui couvre en fait les ventes américaines, donc aux États-Unis, de octobre et novembre. Et c'est là-dessus qu'ils se sont basés pour dire, bon, il y a 29% plus de Mac. Donc, ça doit englober iMac, Mac Mini, tout ça. Non, pas Mac Mini. Ah. Mini embarque pas dedans. Pourquoi? Ben, je suis en train de lire vite. Puis, the Mac Pro, which is due to launch before the end of December, and the Mac Mini, which has not seen any update this year. Fait qu'ils ont pas mis. Ils ont mis tous les nouveaux modèles d'Apple. Ah, OK. Fait qu'ils ont pas mis le Mac Mini qui est encore. Qui date de l'année passée. OK. Fait que ça, c'est vraiment les Mac? Oui. Okay. Pas d'iPhone avec le lancement de 5. Non. Bon, ben, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui, hein? Tout à fait. Parce que s'ils en vendent, ils vont continuer à en fabriquer. Ben oui. Ça a l'air niaiseux dit de même, mais c'est parce que on a peur qu'il y ait des segments de marché qui disparaissent. On sait qu'Apple y a déjà pensé. Entre autres, il y a du monde qui ont sué là, avec le Mac Pro qui n'arrivait pas, puis tout ça. Donc, qu'Apple sorte un nouvel ordinateur qui vende plus de machines, c'est toujours bon. Ben, je pense que le Retina a aidé beaucoup quand même. Là. Au niveau des ventes? Au niveau des ventes, là, tu sais. Les gens, ils ne voient pas pourquoi. C'est-à-dire, ils ne voient pas. Quand tu leur en parles, c'est bien, bien dur de convaincre quelqu'un d'acheter un Retina. Si tu l'assois devant l'ordinateur, par exemple, tu viens faire 50% de la job. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont leur magasin. Mais tu mets, mettons, comme le mien, qui n'est pas Retina, puis tu prends les deux volts, tu mets à côté. Tu nettoies l'écran du mien. Oui, c'est ça. Tu nettoies l'écran. Mais tu sais, c'est clair, tu vas faire le choix, tu vas prendre le plus bel écran, là. Parce que c'est... Mais bon. Excellent. On vous rappelle que vous pouvez dialoguer avec nous sur le hashtag PodMQ. Je vais aller d'ailleurs m'ouvrir une petite fenêtre pour voir s'il y a des gens qui nous ont écrit. Non, c'est tranquille. J'essaie de faire mon Jean-Michel. Effectivement, il n'y a personne qui... À part Jean-Michel, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde dans le ciel à soi. On est en train de faire leur cadeau de Noël. Probablement. Puis il y a une game de hockey. Ah, une game de hockey. On va donner les scores, peut-être que les gens vont venir. Bon, on va ouvrir notre application RDS Go, la meilleure application pour regarder des scores de hockey. Salut Jean-Luc! Bon, on va passer à la prochaine nouvelle. Ben oui, vas-y. Ben, c'est sorti hier, c'est la première mise à jour de Mavericks qui est rendue publique pour tout le monde. On l'avait depuis quand même quelques semaines. On fait beaucoup de bêta avec cette version-là. Oui. 10.9.1 corrige des bugs, surtout de mail avec Gmail. Oui. Fait que, il y a beaucoup de monde qui se plaignait la synchronisation avec l'espèce de IMAP custom de Gmail parce qu'ils ne sont plus sur ActiveSync. Ils utilisent du IMAP customisé était pas parfaite avec le mail directement. Donc, ils ont eu beaucoup de travail à faire là-dessus. Ce que ça faisait, c'est qu'on avait des boîtes de mail qui gardaient des fichiers un peu trop longtemps, qui se rafraîchissaient pas. Puis qui fonctionnait pas super bien avec des dossiers custom aussi. Donc là, ça devrait être beaucoup mieux, en fait. Mais il n'y a rien de nœud. Il n'y a pas de nouveauté. C'est vraiment juste mail, puis coupe d'affaires dans je ne sais plus trop quoi qui ont fait des changements, là, mais il n'y a rien d'apparent là, à la version. Moi, j'avais bien des copains qui avaient des problèmes de kernel panic sur des MacBooks. Ah ouais? Ouais. Ah. Ça se peut. Il y a certains trucs. La première sortie, oui, il y avait ça. Fait que... Moi, c'est sur mon iPhone que j'ai du Respring de temps en temps. Il y en a moins, mais ouais. J'en ai quand même. Là. J'en ai eu un tantôt quand j'étais au restaurant, là. Mais c'était un peu fatigant. Là. Ça ne m'a jamais arrivé avant, là. À part quand que c'était... Les bêtas. Les bêtas ou jailbreaking. Des fois, le Springboard redémarrait tout seul. Ça, c'est correct, c'est normal. Mm-hmm. Mais une version officielle Apple... J'ai jamais vu ça, là. Effectivement. Plusieurs fois comme ça, tu sais, une fois peut-être dans tout le truc avec une application pas optimisée, quelque chose, mais les applications sont sorties et se sont optimisées très rapidement. Pour iOS 7, ils ont sorti plusieurs choses. Puis je pense Apple, dans les dernières applications qu'ils ont mis à jour, il y a iBooks, il y a Find My Friend qu'on a eu il y a quelques semaines. Remote aussi est sorti pour iOS 7. Donc, ça devrait de moins en moins se passer, mais il y en a encore un peu. Puis, on voit différents bugs, là, entre autres Jonathan Moreau qui a vu son téléphone se fermer probablement à cause du froid. Ça, c'est normal. À 80% de batterie, oui. C'est normal. Oui, ouais, c'est normal. Si, mettons, t'es voir à moins 30, il est comme ça, là. C'est clair, là. Demande à Stéphane Vaillancourt, là. Ça y arrivait à la même affaire. C'est normal, les molécules qu'il y a dans la batterie... Ils gèlent. Ils gèlent. Ah, fait que bon. Lui, la batterie ne sait plus combien de pourcentage donner, vu que, OK, il me reste juste ce genre, je sais pas combien qu'il y a de molécules là-dedans, là, mais il me reste, mettons, 10% de molécules, ben, je vais afficher 10%. Mais quand tu vas avoir réchauffé, il va retomber à 180. Là. OK. C'est clair, c'est normal, ça fait ça avec n'importe quel produit informatique. Pas informatique, électronique, je veux dire. À batterie. Fait que c'est normal. Fait que c'est correct. Là. C'est ça, quand il avait écrit sur Facebook, je dis non, c'est bien où j'avais dit, c'est normal. Là. Excellent. Donc, ça, c'est réglé pour Jonathan, qui va être bien content de savoir que pour utiliser son téléphone, qu'il rentre à la maison et qu'il se réchauffe. Il a son cœur près de lui. Oui, ouais, voilà. C'est ce qu'il faut. J'avais un bug, en parlant de bug dans les Mavericks iOS, j'avais un bug avec iTunes. OK. C'est arrivé au début de la semaine passée, puis ça s'est corrigé aujourd'hui. On n'avait plus nos applications. Moi, j'avais plus mes applications. Tu sais, quand tu dis OK, je veux avoir mes mises à jour d'applications à faire, tu sais, ouais. Je les avais plus. Ah. Fait que j'ai été voir sur les forums d'Apple et il y avait à peu près 20 pages de gens que c'était la même chose. C'était le même problème. On n'avait plus accès à nos mises à jour dans iTunes. Okay. Sur le téléphone, ça fonctionnait, mais sur iTunes direct, tu n'avais plus tes mises à jour. Fait que ça a recommencé aujourd'hui, ça fonctionne. Fait que j'en ai 75 à faire chez nous à soir. Mais j'arrive. Fait que. Rape de bande passante. Ouais, ben, vive les limités. Là. C'est comme. Ah ouais, en passant. Avec les nouvelles consoles, je vous recommande d'acheter vraiment la version physique du jeu si vous êtes capable. Parce que si vous téléchargez la version digitale que vous la payez sur le store, c'est 35 gigs à 40 gigs du jeu. Là. Fait que, ben ouais, c'est long. C'est un bon cue. C'est comme. Ben, c'est long, oui, mais ça bouffe ta bande passante. Là, ben oui, comme le commun du mortel qui a un petit. C'est combien à cette heure de base? 60 gigs. 60 gigs. Un jeu par mois. Sinon tu bosses. C'est ça. L'autre chose, c'est que moi, je connais un endroit où il y a un vieux 3DO avec quelques jeux qui fonctionnent encore. Puis il y a même des gens, par exemple, chez Retro Nouveau, qui ont des consoles bien plus vieilles que ça. Puis ils peuvent encore popper un jeu dedans, puis il n'y a pas de problème. Alors que l'acheter en digital. Tu sais, dans 15 ans, quand le serveur d'identification des DRM va complètement avoir été fermé, tu ne pourras plus jouer à tes jeux. Là. Elle va être bonne à sacrer au vidange la console ou à hacker d'une façon ou d'une autre, mais à ce moment-là, ça ne vaudra plus la peine. On peut toujours installer Linux là-dessus. Là. Ouais. Hey boy. Non. Donc, voilà. On parlait il y a quelques secondes de la mise à jour de 10.9.1, un sujet qui revient depuis quelques semaines parce que Jean-Michel en est victime, c'est les adaptateurs USB à VGA ou pour des écrans externes. Les pilotes ne sont toujours pas disponibles dans 10.9.1, donc ces appareils-là ne fonctionnent toujours pas. Puis les deux compagnies, on le sait, se lancent la balle. Comment ça marche, ces affaires-là? Ça donne, c'est qui, mettons, t'as ton écran, c'est ton adaptateur. Ouais. C'est ta carte graphique qui calcule pour ça ou il y a une chip dans ton USB qui... Je ne sais pas comment ça fait. On aura la réponse quand Jean-Michel reviendra. Okay, mais... Tu écouteras le podcast la prochaine fois. D'accord. On va le prendre en note, là, puis on va lui demander. S'il vous plaît. Parfait. Apple, en fait, n'est pas très loquace sur ses acquisitions. Mais on sait quand même qu'ils ont acheté 15 compagnies cette année, quand même. Donc, ils font des acquisitions de technologie et de cerveaux. Ils achètent les cerveaux des gens pour améliorer leurs produits. La dernière en date, la compagnie qu'ils ont achetée, c'est pour un maigre 200 millions de dollars qu'ils ont récupéré trois jours après. Exactement. Donc, c'est la compagnie Topsy qui est une spécialiste des tweets. Et qui est une des... Il n'y a pas beaucoup de compagnies au monde qui ont accès à ce qu'on appelle le pipeline, la hose, en fait, qui est toute Twitter. Donc, tu peux être connecté là-dessus et tu as une vue d'ensemble de ce qui se passe. Les compagnies qui font ça, habituellement, c'est pour faire de l'analyse de données, des courants, des trucs comme ça. Et ce que Apple est en mesure de faire avec un truc comme ça, c'est que jusqu'à maintenant, on demandait à Siri de se trouver un restaurant. Mais maintenant, on va pouvoir demander à Siri, trouve-moi un restaurant que mes amis pourraient me recommander. Et là, il va faire une analyse de Twitter et faire, Jean-François et Mathieu sont allés à telle place. Va pas à ce restaurant sportif du village. Va pas là, mais tu peux aller chez au Café Saïgon ou chez Saint-Hubert. Café Saïgon, que j'aime beaucoup. Demander de la soupe piquante, c'est excellent. Sur Saint-André, ça? Oui, c'est ça, un petit peu au sud. Excellent, ils sont là depuis la nuit des temps. C'est le genre de choses qui va pouvoir se faire. Et en fait, c'est toute la vision de Siri depuis le début. On en parle depuis longtemps, de pouvoir être connecté à différents services. Siri, moi, que j'utilise de plus en plus, parce que je tiens de plus en plus à ma vie, puis dans l'auto, je l'utilise beaucoup. Et il comprend de mieux en mieux. Il fait beaucoup plus de choses. Il est beaucoup plus réceptif à toutes les commandes qu'on peut lui demander. La compagnie qui ont acheté, qu'est-ce qu'ils font présentement? Topsy? Topsy, oui. Ben, ils revendent les services, en fait, d'analyse de trucs. Okay, fait qu'il y a d'autres compagnies... Il y a d'autres compagnies qui les ont utilisées. Puis, en même temps, c'est un 2-pour-1 pour Apple parce que ça coupe l'herbe sous le pied des compagnies qui utilisaient les services. En parlant de Siri, qu'est-ce que je voulais dire, donc? Oui, dans Chrome, maintenant, il y a un nouveau plugin qu'on peut installer. Et on dit, « OK, Google, search for apple.com. » Ah, je ne suis pas branché. Et il me dit, « il y a un problème avec la version. » Fait que si tu dis, « OK, Google, comme les glaces, comme tu veux, fait que les Google Glass. Là. OK, Google. Okay. Look for porn. Forpon.com. Bon, mes R sont pas très bons. Ouais, c'est ça. Mais on a le Google Voice dans Chrome maintenant. Ah, c'est cool. Fait que juste sur la page Google, mais il est tout le temps actif. Faut tant qu'à dire, t'as même pas besoin de toucher à ton clavier, puis ça fonctionne plus vite. Intéressant. Ouais, c'est très le fun. Pour revenir aux compagnies que Apple a achetées cette année, il y a la compagnie Wi-Fi Slam qui est une compagnie qui fait du indoor location, donc de la localisation à l'intérieur. Et pour Apple, c'est intéressant parce qu'un des features qu'ils ont dans leur map, mais que Google n'a pas, c'est justement la vision en hauteur des immeubles. Donc, tu te fais voler ton téléphone. D'ailleurs, moi, j'ai perdu le mien cette semaine, mon téléphone. Il est tombé de mes poches. quand je suis sorti de l'auto. Mm. Et je suis à la maison, puis mon ordinateur sonne, puis c'est ma mère qui m'écrit, puis elle dit « Je viens de me faire appeler par Rogers, ton téléphone, tu l'as perdu. » Là, j'étais là comme « Moi, c'est vrai, il était au bout de mes écouteurs, il n'est plus là. » Fait que moi, je m'énerve pas, je m'en vais sur mon iPad, je fais « Localiser ». Je fais « Ah, il est à 3 rues d'ici. Mm. » Puis là, j'envoie un message, puis je dis « Téléphone à tel numéro. » Une couple de minutes plus tard, le gars, il a appelé. Puis le téléphone était barré. Fait qu'on se parle, je vais le chercher. Oui, c'est bien le tien. Il me donne mon téléphone, je pars. Puis je dis « Écoute, merci beaucoup. C'est pas tout le monde qui aurait été honnête puis qui l'aurait remis. » Puis le gars n'a pas été honnête. Il m'a juste dit « C'est parce que je pouvais rien faire avec. Il était bloqué. » Ouais, cool. Fait que bloquez votre téléphone. Mais comment ça, Rogers t'a appelé? Je pense qu'en haut, il voyait bien que c'était avec Rogers. Il a téléphoné, mais pas avec le téléphone. Ou il a peut-être fait le 611, je ne sais pas. Peut-être que le 611 fonctionne. Tu peux faire l'appel des urgences, mais le 911 ne te trouvera pas drôle là, à ce moment-là. Ouais. Mais appel, je ne suis pas sûr que le 611... Peut-être que le 611 fonctionne. Faudrait voir. Sinon, je vais faire rapidement la vérification. Donc, il y a Locationary, qui est une compagnie qui fait de la map. Upstop, qui fait de la map aussi. Passive Semiconductors, qui est évidemment pour des semi-conducteurs, donc probablement de l'optimisation de processeurs. Il y a Matcha, qui est une application de découverte média. Il y a Embark, qui est une application, en fait pas une application, mais une compagnie de map. Donc, 3 compagnies de map plus une compagnie de indoor location. Mm-hmm. On voit qu'Apple travaille fort pour que son application de map fonctionne et ils mettent tout l'argent qu'il faut pour avoir un produit qui est concurrent à Google. Puis honnêtement, en fait, l'application Google est peut-être très bien faite. Les points d'intérêt, c'est sûr que c'est beaucoup mieux sur Google parce qu'ils ont une grosse base de données et tout ça. Mais dernièrement, moi, je fais les demandes à Siri et ça m'amène exactement où est-ce que j'ai besoin d'aller. Elle est beaucoup plus efficace. Les problèmes de jeunesse qu'on a eu dans cette application-là sont à toute fin pratique réglés, en tout cas pour ma part. Puis parlant d'indoor location, on parlait tantôt d'iBacon. Oui. Puis je sais pas si j'ai tout bien... En tout cas, j'ai bien compris que ça pouvait... Mettons, tu rentres dans un magasin, il y a iBacon. Puis oui. Il t'envoie un message comme quoi ta robe est en spécial. Oui. Puis c'est-tu bidirectionnel, ça? Ça dit-tu, ça renvoie-tu à iBacon, dire « Ah, j'ai 8 utilisateurs dans ce magasin-là. » Peut-être, je sais pas. Nous, on veut faire des tests avec iBacon, donc c'est pas très compliqué. Si vous voulez faire votre propre iBacon... Ah, pour la caméra un peu, là. Oui. Donc, vous achetez, en fait, un kit comme ça, qui est un Raspberry Pi. C'est un ordinateur, en fait, qui est à la base, là, le motherboard est autour de 35$. Ils font des petits kits comme ça, avec tout ce qu'il faut dedans, là. Donc, la carte, le boîtier, le power supply et la carte SD sur laquelle on installe le système d'exploitation. Ça se détaille à peu près $100. Et ici, on a une petite clé USB, mais pour donner du Bluetooth 4.0. Donc, pas le LTE, là, mais le low energy. Là. C'est le low energy. Ouais. Donc, une fois ça construit, ben, tu as un iBeacon. Depuis une couple d'années, en fait, on disait pourquoi Apple n'intègre pas le NFC. Le NFC, mm-hmm. c'est la voie du futur. Mais ben, si tu veux NFC-iser ton magasin, tu en as pour à peu près 100 000 $ pour NFC-iser pour baconiser. Il devrait aller chercher les gars de Epic Mealtime. Pour baconiser ton magasin, ben, tu as besoin peut-être de, tout dépendant du nombre de spots que tu veux, tu as besoin de 5 boîtes comme ça à 100 $ chacune. Fait que c'est 500 $ pour baconiser ton magasin. Et ce que ça fait, ben, en fait, après ça, il va falloir qu'il y ait des applications, mais c'est qu'en passant devant ton téléphone, t'identifies un peu au beacon et tu l'as dit, là, la première étape, c'est de t'envoyer un petit la robe est en spécial ici, blablabla. Mais si tu pousses un peu plus loin, puis que tu magasines souvent dans ce magasin-là qui est baconisé, ou même s'il s'ouvre à quelque chose de plus gros, peut-être une chaîne de magasins, il va savoir c'est quoi ta garde-robe. Puis là, il va te dire, « Hey, j'ai ta taille, j'ai le modèle, ça fitterait avec le pantalon que tu as acheté la semaine passée, puis telle affaire. » Donc là, on va beaucoup plus loin là, dans le... C'est le fun et ça fait peur. Ça fait peur. Parce que ça prend de la base de données. Ouais, ça prend de la base de données, c'est du big data, mais ça fait peur aussi parce que notre vendeuse étudiante de fin de semaine va aller retrouver son copain qui a été sacré dehors par... c'est quoi au début de l'émission qu'on disait qu'il y a plein de monde qui vont perdre leur job? Tu sais, des jeunes étudiants qui perdaient leur job à une place. Attends, c'était quoi? Je sais pas. On a dit ça au début de l'émission. La crème de menthe, toi, qui commence à fesser. Wow! Mais... Oui, Noël. Ouais, c'est ça. Mais ça, là... Ça, oui. Ça roule quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Le système, c'est quoi qu'il y a dans ça? C'est un petit Linux. Ah, c'est un petit Linux? Bien, dans un Raspberry Pi, là, ça, tu pourrais en acheter 100. OK. OK. Puis, je te trouverais une utilité pour chacun des 100 dans ta maison. Tu peux plugger ça, tu peux plugger ça, en fait, puis fabriquer un loquet pour ta porte. Là, ils commencent à vendre les systèmes intégrés, ouais. Mais tu peux utiliser ça. Tu peux transformer ça en AirPlay. Fait que si tu veux transformer en AirPlay... les trucs sont déjà pas mal disponibles sur Internet. Ouais, si tu vas sur Lifehacker, là, des projets de fin de semaine avec des Raspberry Pi puis des Arduino, là. Arduino, c'est un petit peu plus complexe, là, mais Raspberry Pi, c'est assez facile. J'ai un ami qui roule Astérix là-dessus. Astérix, c'est un système de gestion de téléphone. Puis il n'a jamais vu son système aussi stable et aussi fiable que sur un truc comme ça. Fait que tu achètes de ces trucs-là, puis si tu commences à les acheter en batch, là, ils te reviennent beaucoup moins cher. Tu es capable de trouver des ordinateurs comme ça à 35$ avec tout le kit. Tu sais, t'en achètes une dizaine, puis pour 350$, tu as 10 mini-ordinateurs. Tu fais des projets avec, puis tes plugs un peu partout, puis ça peut faire pas mal de choses. C'est des beaux projets de fin de semaine. Ah ben, bon, cadeau de Noël. Oui. Hein? Vous allez faire quoi avec ça, vous? On fait des tests avec, on va le baconiser. Ça se peut qu'on l'installe dans la fenêtre ici, puis que ça pop au monde en bas. Hey, vous êtes proche de chez ClickPom ou quelque chose comme ça. Fait que ça va être le fun si tout le monde l'a. Oui. King bling bling bling bling. Tu te promènes sur la rue, là. Bling bling bling. On continue, il m'en reste 4. Il y a AlgoTrim, qui est une compagnie de compression de données. Il y a Q, qui ont quand même acheté à 50 millions de dollars, qui est un personal assistant. Donc là, ça va être Siri qui va coucher avec Q, puis on va avoir quelque chose de mieux. Un nouveau James Bond. Ouais, c'est ça. La James Bond. Un sextape de personal assistant. Et dernièrement, on a appris en fait deux autres compagnies, soit PrimeSense, qui est une compagnie de semi-conducteurs encore, qui ont acheté pour la coquette somme de 345 millions, et Topsy, qui est une compagnie d'analyse de données. Mais PrimeSense, c'est plus gros que ça, là. PrimeSense, c'est eux qui font le... Pour la Xbox One, qui font la caméra. Oui, c'est vrai, le Kinect, en fait. Là, fait que c'est énorme pour Apple d'avoir pris ça. Exactement. Ouais. Ouais. Donc, on va pouvoir faire des simagrées dans son ordi. Sauf que c'est plus la Kinect qui est sur la Xbox One. Non. C'est celle qui est sur la Xbox One, c'est Microsoft qui l'a développé. Oui, mais c'est l'original. On parlait de Brain tantôt. Ouais, ouais, là, c'est ça, ça en prend. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est en Afghanistan. C'est où ça? C'est en Israël. En Israël? Oui. Non, non, ils développent pas trop grand-chose, eux autres, mais l'Israël sont très, très forts et plein de cerveaux. PrimeSense, c'est le fun. Ils avaient développé plein de trucs, dont la reconnaissance du pouls par la caméra pour faire... pour monitorer le pouls des bébés dans des pouponnières, puis avec la caméra, puis tu vois, ils sont capables de prendre une image qui filme et d'amplifier les mouvements et les couleurs avec un pouls que nous, on voit pas, là, tu vois sur l'image. Ah, ouais. Oui, c'était cinglé, là. T'étais capable de scanner quelqu'un. En fait, probablement que ça, ils vont... Tu sais, on voit souvent le téléphone comme un tricorder, qui est un appareil, en fait, qui sert à peu près tout là, dans l'univers de Star Trek. Ils vont probablement être capables de le transformer puis peut-être éventuellement de faire des objets spécialisés pour des téléphones pour les médecins, mais avec ça, fait que tu arrives devant quelqu'un, tu le scannes, ton pouls est pas à bonne affaire, ta température, je peux tout avoir ça, là, j'ai un petit laser, j'ai le kit. Fait que t'es. Pis... Regarde de prendre ta pression à distance. Un vrai tricorder. Oui, oui. Ouais. Voilà. Puis finalement, Topsy que j'ai nommé. Il y en a 5 là-dedans qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est. Souvent, Apple veut les garder pour des besoins stratégiques parce qu'on va trop voir où est-ce qu'ils s'en vont. Ou qu'ils n'utilisent pas pantoute. C'est possible parce aussi. Parce que regarde l'affaire de métal, le liquid metal. Oui. Il n'y a rien encore, là. Ils ont acheté une licence de ça, puis en fait, il y a la Bob Epin à l'intérieur du iPhone 5. C'est tout, ça. Ça ou rien. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme, ouais, mais t'es obligé de l'utiliser. Non, on va faire une Bob Epin, une super Bob Epin. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ça fait un résumé des acquisitions. Apple qui a fait un brevet pour un écran courbé, en fait, cette semaine. Bon, en fait, pas cette semaine, mais durant les 2 dernières semaines, c'est nos amis Electronista.com qui nous apprennent ça. Et c'est quand même assez intéressant. Eux autres, ils l'appliquent, en fait, à un ordinateur. Et en fait, c'est des petites bulles donc qui permettraient, en fait, que l'écran puisse se courber. Donc, pas certain qu'elle soit courbée à la base. C'est déformerait? Oui, peut-être. C'est quelque chose qui ressemblerait à ça, en tout cas, sur... Apple has yet to introduce a mobile device with a curved display. Parce qu'on sait que Samsung va sortir cette année là, ses premiers écrans courbés. LG aussi a la technologie pour faire ça. Maintenant, l'écran courbé n'est pas une fin en soi. C'est sûr que c'est un look cool, mais quand tu regardes en fait les trucs qui sortent, là tu fais comme « ouais, pis ». Ouais. LG c'est curvé d'un sens, Samsung c'est curvé de l'autre sens, puis tu fais « oui, mais ça sert à quoi? C'est quoi la raison? Est-ce que je sais pas, ça. Il n'y a pas de raison. Non, c'est juste pour le cool factor. C'est ça, exactement. Donc, il faut trouver une raison pour ça. Cette raison-là, c'est probablement au niveau du wearable, donc au niveau de la montre, où est-ce qu'on aurait une montre avec un écran courbé. Et la technologie que Apple met de l'avant, c'est une technologie qui prouve en fait. L'écran, le courbé, c'est une chose, mais qu'elle soit souple et portable, c'est autre chose. Et c'est probablement ça que ce brevet-là veut apporter. Il y a quelques semaines, on a vu aussi un brevet pour le reste d'un bracelet qui comporterait de la batterie. Parce qu'une des problématiques de ces montres-là, entre autres celle de Samsung, qui, soit dit en passant, ne marche pas pantoute. Non, là, ça gear, se là. Vend pas. Non, ça se vend pas. C'est très, très épais, c'est très lourd, ça ne fonctionne qu'avec leur téléphone. Et je l'ai essayé. C'est vrai? Oui. OK. Puis, pas impressionné? Non, pas en bon. Non, je l'ai essayé, puis je restais bien. Bon. Oui, mais c'est ça. Être le premier à faire quelque chose, c'est pas tout le temps garant de succès. Tu sais, t'as beau être le premier. Microsoft en 2000 en a sorti des tablettes. Ça a pris 10 ans avant qu'Apple en sorte une, puis que le monde se pitche dessus en malade, là. C'est souvent les gens vont faire des. Puis Sony en fait depuis des années là, des montres dites intelligentes. Voilà. On voit que Apple est sérieux dans son vouloir d'offrir une technologie qui est vraiment. Regarde, on a regardé, c'est intéressant, mais c'est intéressant dans la mesure où on fait ça avec. On l'a fait, puis voici le nouveau produit. Il est à tel prix, c'est intéressant. Il fait ça. Il fait pas trop de choses, mais les choses qu'il fait, il les fait bien. Fait que là, ils vont tout niquer les Nike, les Flibit, puis les Flibit, là, les... En tout cas, ça s'appelle... Oui, c'est Flibit. Ils vont tout sacrer ça dehors parce qu'ils vont faire la même chose qu'eux, mais plus beau à la Apple, mieux intégré. Puis après ça, ils vont développer sur cette plateforme-là qui va devenir... de plus en plus grosse. Ils vont pas sortir une montre là, avec la caméra, le FaceTime puis le kit jour 1, ça n'existera pas. Qu'est-ce pas tout de suite. Qu'est-ce que... Comment? Avec amour. On parle de biscuits. Ah, OK, oui, oui. Qu'est-ce que tu as le plus hâte? L'iWatch ou l'iTV? L'iWatch parce que je vais avoir les moyens de l'acheter, peut-être. Oui, c'est ça. L'iTV... Parce qu'on ne pourra pas acheter l'iTV vu qu'on se vend un rein chaque pour un Mac Pro. Oui, voilà. Puis on a besoin d'un, tu sais, fait qu'on peut pas vendre l'autre. Donc en 2014, si vous voulez participer à Mac Québec, on vous invite à. En fait, vous pouvez aller faire un don. On a rajouté le bouton rein maintenant sur la page de Mac Québec dans la section podcast. Et vous pouvez faire un don directement au podcast parce que l'équipement qu'on utilise est un peu plus dispendieux et peut-être que c'est le seul produit que vous consommez chez Mac Québec. Donc vous voulez que l'argent aille plus spécifiquement à l'amélioration. Du produit, un nouveau frame de lunettes pour pour Mathieu ou... Il est nouveau, là, il y a trois semaines. Je sais. Mais j'ai envie comme d'avoir des morceaux de Lego puis les piner dessus. Il porte, je sais pas, il attire. C'est quoi, ce marque? Son Minecraft, tes lunettes. Armani. Ouais. C'est Minecraft, tes lunettes. T'as envie de... Comment, sont en cuir. On fera un gros plan tantôt. Donc, voilà, ça fait un petit peu le tour de ça. Est-ce qu'on a d'autres nouvelles? On a iBeacon qu'on a parlé tantôt. Mm-hmm. Barack Obama qui ne pourrait pas avoir d'iPhone pour des raisons de sécurité. Mm-hmm. Il semblait que c'était Android qui avait des problèmes de sécurité, puis... C'est pas juste... c'est probablement pas juste au niveau de... Comment ça s'appelle? Au niveau du software qui est à l'intérieur. C'est super cool de parler la bouche pleine, mais c'est spécial de Noël. Je vais avaler ma bouchée. Vas-y. Une des choses qu'ils doivent faire quand ils rentrent dans des endroits qui sont... au niveau de la sécurité, là, très, très haut, c'est de débrancher. T'sais, on le voit dans toutes les homelands, tous les trucs. Mm. Quand ils ont fini un appel, puis que c'est important, puis qu'ils veulent disparaître, enlèvent la batterie, séparent la batterie du téléphone, puis là, ils cassent tout. Mm-hmm. Ce qui n'est vraiment pas nécessaire et très peu écologique, là, parce qu'une fois que la batterie n'est plus dedans, bon ben tu peux pas le faire. Tu peux pas le scanner, mais ça serait une des raisons. Donc, souvent là, quand tu te retrouves dans des trucs très top secret, quand tu rentres, tu fais pas juste déposer ton téléphone à l'entrée, tu sépares ta batterie de... Fait qu'il est pogné avec un BlackBerry. C'est ça. Ouais. qui, lui, de toute façon, BlackBerry, qui doit être un petit peu spécial avec des données qui ne doivent pas passer sur le serveur canadien, d'après moi. D'après moi, ils ont fait, là, si tu veux que le président aille ton téléphone, tu nous fournis ta technologie sur un serveur. Serveur tout seul. Pis, incité au départ aussi pour avoir gardé son BlackBerry, je pense, quand il était... Ben, c'est parce que ce qu'il voulait y offrir, c'est un espèce de vieux HP Chili, iPack, je sais pas quoi, là, tu sais, épais de même. Mm-hmm. Là, y a-tu Twitter là-dessus? Non, monsieur le président. C'est beaucoup. Je peux même pas me faire un selfie. Un selfie. Tu sais, c'est comme... Parlant de selfie puis de président américain, avez-vous vu la photo cette semaine? Ben, avec... la... Avec la... ouais. L'Allemande ou l'Autrichienne, ouais, je sais pas quoi, là. Puis Michel qui était comme ditch total à côté. C'était comme... Ouais, il s'en est fait parler le soir. Ah, c'est sûr qu'il s'est fait là rentrer. J'ai eu « Who is she? » Ouais, ouais, c'est clair. Ouch. C'est clair. Était cohérente, cette photo-là. Donc, sinon, il peut pas avoir d'iPhone pour faire des selfies. Voilà. Voilà. Sinon, il y a un autre patent. Oh! T'as-tu vu? Non? Non. Celui du Desk Free Computer System. Mmh. En fait, c'est un patent qui a sorti. En fait, c'est un multi. Ça a l'air d'être un brevet pour quelque chose d'assez complexe. D'abord, on a un ordinateur qui est décentré. OK. Sans fil. Un, puis deux, qui a un projecteur. Oh! Pour le mur et qui est chargé par induction. OK. Fait que ça, c'est comme un bloc, tu vois, t'as un clavier, puis là, t'as le bloc qui est plus loin sur une autre table. OK. Puis c'est une table qui charge par induction, puis là, ça, c'est comme un bloc qui contient l'ordinateur et l'écran, tu projettes ça sur un mur. Pis, fait que c'est-tu quelque chose qui va être intégré dans un iPad, qui est ton projecteur, puis tu peux Moi, je verrais bien ça dans un Mac Mini. Ouais, aussi. Projecteur avec Mac Mini. Puis tu plugues ça, puis tu as ta TV portable n'importe où. Tu veux l'amener en camping, tu le plugues, tu projettes un film, tu as tout ce qu'il te faut dedans. Ça serait pas mal chouette, puis ils peuvent faire ça quand même bien. C'est vrai que ça ressemble à ça? Quand même. Ah, ben oui, regarde-le. Ça ressemble à un Mac Mini. Je veux dire, en termes de grosseur, puis de... Il y a le clavier souris plus loin, là. Ouais. Ça pourrait effectivement être ça. Ça serait intéressant. Sinon, avez-vous vu la dernière publicité que Apple a lancée, qui s'appelle Misunderstood, pour les fêtes? C'est... Non, je n'ai pas lu. OK. Elle est incroyable. Elle est assez incroyable qu'on va, on va la présenter en arrière. Il n'y a personne qui va nous chier dessus pour avoir présenté une pub, sérieux? Mais non. Non, OK, go. Non. Donc, on va présenter... C'est pas Air Server que je veux, c'est ça ici. On va l'envoyer sur la télé. Là, vous n'aurez pas le son, mais les images sont assez pour bien le présenter. Il n'y a pas de son? Ben, il y a une petite musique en arrière-plan. Donc, on a un adolescent de entre 14 et 16 ans qui est sur son téléphone. Hop! Toute la famille partage des moments, puis lui, il est sur son téléphone. Oh! Ouais, c'est ça. Il donne la carotte. Puis là, il est le soir sur son téléphone. Là, il se fait lancer des trucs. Il aide pour une boule dans le sapin. Là, il joue Angry Birds. Puis là, il ouvre la télé. Il airplay le film qu'il a monté. Pendant tout ce temps-là. Oh! Avec du ralenti. Ouais, lui, il a réussi à l'exporter. Ouais, c'est ça. Puis en fait, tu vois, il y a toutes les scènes. Puis là, il y a grand-maman. Des bisous, la bouffe, puis grand-maman qui est plus capable. Oh. Ah ben... Yeah. Yeah! On garde ça pour nous autres. Ouais, c'est okay. Ça! Ça se ferme où, ça? Ça se ferme. C'est quoi, c'est de la TV, Kiff? C'est ça que je veux faire. J'ai un spyware dans mon ordi. C'est quoi ça? Badou, je connais pas ça. Je suis tout rouge là, parce que cette semaine, je suis allé sur Badoo puis j'ai fait une mauvaise manipulation qui a envoyé une invitation Badoo, qui est un site de rencontre, à toutes les personnes à qui j'ai jamais écrit sur Gmail. Puis il y en a du monde. Tu sais, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai ce compte-là. Fait que j'ai comme du monde qui m'ont appelé puis ils ont fait « Alexis, c'est quoi ça? » C'est accès au vidange, c'est une mauvaise manipulation. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez reçu une invitation, sacrez-moi ça au vidange. C'était pas à vous que je m'adressais, anyway. Fait qu'elle est bien belle, cette publicité-là, ouais, quand ben même. Oui, ouais. Elle reprend, en fait, le stéréotype de l'adolescent toujours sur son téléphone. Mm-hmm. Puis à la fin, elle montre que lui aussi, ben c'est un introverti, probablement qui a un trouble déficitaire de l'attention, qui devrait être médicamenté, mais qui sait utiliser la technologie pour faire brailler en maman. Mm. Fait que, ben, voilà. C'est comme dans Les Détestables. Quand que la personne âgée est à côté d'une fille qui est tout le temps en train de jouer avec son téléphone, tu sais, elle dit toi là, ton crisse de téléphone, il y a tellement de belles choses à regarder, mais toi t'as tout le temps ta calice de face dans ton téléphone, tu sais, c'est comme, tu sais, carré de même là, mais tu sais, c'est vrai que de plus en plus de monde ne regarde plus de pas à l'horizon là, mais regarde plus les belles choses qui existent, elles sont toutes sur Ça, c'est pas vrai. On passe le commentaire, en fait. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui sont pas capables de se contrôler, là, puis je vais pas lancer la première pierre parce que moi que je me pitcherai une pierre en face. Mais il y a une photo qui est sortie il y a une couple de semaines sur Facebook, puis c'était justement en réponse à ce genre de truc-là que tu vas dans le métro, puis tout le monde est avec leur iPhone, il y a des écrans partout. Puis la photo, c'est une photo de 1950 où il y a tous des messieurs avec leur chapeau puis leur journal grand ouvert dans le métro. Mmh. Ils se parlent pas, comme ils se sont jamais parlé, puis ils sont juste absorbés dans leur truc. Mais c'est un gros journal, là, c'est la presse, tu sais. Fait que il y en a partout, là, tu fais comme « Oh, tabarouette, OK. » Puis il y a personne dans ce tramway-là qui était en train de ouais, mais quand même, de jaser avec moi, j'ai fait l'erreur une fois d'aller faire un voyage, puis ouais. De faire dire « Hey, je vais prendre des photos, je suis revenu. » J'avais 3000 photos, mais j'ai rien vu. Mais j'ai regardé mon voyage à travers un écran de 2 pouces. C'est vrai. Puis après, puis je regarde, ça va être fun, je vais le montrer, puis je vais revenir à la maison. Mais quand je suis revenu à la maison, je voyais la même maudite affaire que j'avais à travers mon écran de 2 pouces. Ouais. Je n'ai pas fait comme, OK, voici la montagne, voici les prairies, voici le pays, tu sais, je suis là. Fait que, ben voilà. Mais donc, tu ne le refais plus maintenant? Tu t'en vas en voyage sans tes appareils électroniques? Oui. Ah, OK. Ben en fait, ça aide. Comme de ce temps-ci, je vais plus faire des randos de 2 semaines. Fait que j'amène pas ma Canon 7D et mes grosses lentilles. Là. OK. Mais je prends... certains moments, je vais prendre juste avec le téléphone, là, mais je prends le temps d'apprécier le moment. Excellent. Hey, bon, bravo. Bon, c'est ça. t'es pas vraiment un podcaster de Mac Québec. Faut être dans ton sous-sol 20 heures sur 24 à répondre aux questions. GF Sternreal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va passer aux découvertes. Ben oui. Jingle ID 2. Ouais. Mac Québec, le podcast. Êtes-vous réveillés? Ouais, on vient. C'est le moment des découvertes! Tu l'as essayé? Non. OK. C'est en fait Rogers qui a ouvert un service qui s'appelle Next Issue. Pour tous les utilisateurs d'iPad, et c'est un accès à plus de 100 magazines pour aussi peu que 9,99 par mois, ce qui est quand même 2$ de plus que Netflix. Mm. Il y a une version premium qui comprend, qui est à 14,99 par mois et qui comprend les bimensuels et les hebdomadaires de la compagnie. Ils n'ont pas juste leur propre publication. Ils ont fait des alliances stratégiques avec, entre autres, Condé Nast, qui en a un autre. Exactement. Il y a un essai de 30 jours qui est gratuit et on le tag comme étant le Netflix des magazines. Je suis allé voir, il y a un article qui est sorti sur Triplex de Radio-Canada. Donc, eux, ils ont fait l'essai. Ils n'ont rien à redire sur la navigation, tout ça, le téléchargement, se fait rapide. Ça utilise les dernières technologies d'Apple de téléchargement en background, tout ça. La petite problématique, tant qu'à moi, en fait, viendrait du prix. Parce que, d'abord, au niveau des magazines francophones, on n'en a pas beaucoup. On a le L, le Chatelaine, on en a deux, trois, l'actualité est là, mais il n'y en a pas beaucoup. Et tant qu'à moi, c'est un gros risque avec... En fait, on pourrait avoir une discussion puis un podcast probablement juste à cause de ça, mais les affaires de livres en ce moment, les chansons, tous les bouquins sur le iTunes Store qui sont pas soumis aux règles locales au niveau des librairies parce que c'est probablement pas considéré comme une librairie. Où est-ce qu'on décide si on met ou pas notre livre. On a vu des auteurs québécois... bypasser les maisons d'édition et carrément là, mettre leurs livres à vendre sur leur site web dernièrement puis faire beaucoup plus d'argent. Il y a trois jours, il y a, comment ça s'appelle, Beyoncé qui a sorti un disque Out of Nowhere. Il y a 14 chansons. Chaque chanson a son vidéo. 15,99 pour l'album au complet. Elle ne passe absolument pas par un producteur de disque ou quoi que ce soit. Elle l'a produit elle-même. Elle l'a mis là-dessus. Ils n'ont jamais autant vendu un seul disque en une si courte période de temps. Ça a fait planter les serveurs aussi chez Apple. Chez Apple. Faut le faire, là. Faut vraiment le faire. Habituellement, c'est une journée de grosse mise à jour là, que les serveurs ils plantent. Là, c'est un disque de Beyoncé. Ils l'ont pas vu venir, là. Ils ne savaient pas. Mais Beyoncé, c'est une artiste qui est connue. Donc, la job est déjà faite. Quand elle va avoir 75 ans, puis qu'elle va mourir, il va falloir que quelqu'un aille trouver de la musique émergente, qu'il en ait fait sortir quelques bons groupes. Il y en a beaucoup de mauvais qui sortent, mais ce job-là, il faut qu'elle soit faite. Puis c'est pas en allant vers des méga magasins comme ça que ça va se faire. Ils ont pas de, eux autres sont là pour faire du profit. Il y a pas de passion du métier. Je veux vendre, puis je vais prendre les moyens pour vendre. Il y a une espèce de nivellement par le bas qui se fait au niveau de la culture, tant qu'à moi. Puis dans ce cas-ci, en fait, c'est un nivellement, c'est une dérive vers l'anglicisation. Là, qui se Apple fait. Prend combien sur une chanson? C'est 30 % aussi, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que oui. Ils ont fait 9 millions en 3 jours d'abord. Quand même. Excellent. Parce qu'il en a vendu 828 000 en 3 jours. C'était écœurant. Hein? C'est fou. Pour revenir à Next Issue, pour 9,99 par mois, faut quand même que tu lises, je te dirais, comme 5-6 magazines et plus par mois pour que ça vaille la peine. Parce que sinon, t'es mieux de t'inscrire individuellement. Les magazines sont 1,99 par mois. Ouais, t'en lis 3, ben ça te fait juste 6$ et non pas 9,99. Donc, t'as pas besoin de ce service-là si t'étais pas un gros consommateur. Moi, je pense qu'à 4,99, il aurait été plus dans le price point. Les gens auraient fait « Ah ben là, ça vaut la peine. J'ai deux magazines et demi. » Netflix, C'est ça, là. C'est 7,99. D'après deux locations, tu as payé ton abonnement. C'est ça. Mais sauf que peut-être ça va plus fonctionner côté anglophone. Oui. Ce service-là, parce que, Le service, c'est autant iPad, Android que... Oui, je pense qu'ils ont même une application Microsoft, si je ne me trompe pas. Okay. Puis, ils couvrent... ont une application macOS? Non. Non, c'est vraiment tablette. Tablette, OK. Jean-Michel qui nous ajoute des petits commentaires dans les trucs, puis il y a le GM Seal of Approval. Il l'a probablement essayé et il la trouve probablement intéressante. Faudra lui demander dans deux semaines s'il va être prêt à payer le 9,99 par mois pour continuer. Moi, ma question, c'est y a-tu des magazines informatiques ou de sujets qui m'intéressent ou c'est juste le McLean pour me faire dire que je suis un vieux corrompu dégueulasse? Next! L'application. Je vais vous laisser en parler, j'ai même pas essayé. Tu n'as pas essayé? Non. L'application 12 jours de cadeaux chez Apple est revenue cette année. Absolument. L'année passée, on a eu pendant une certaine de date, on avait à chaque jour un cadeau gratuit de Apple, application, film, musique, puis c'est ça. Book, livre peut-être, je ne me souviens plus l'année passée. Oui, tout ce que tu peux avoir sur iTunes, celui-là. Fait que cette année est revenue. Puis, ils ont fait... Ils disaient... ça partait du 24, je pense. C'est du 26. Dans 10 jours, 9 jours. Oui. Puis là, hier... Oui, c'est hier. Hier, on a reçu... tous ceux qui avaient déjà downloadé l'application ont déjà reçu un cadeau qui était deux chansons de Lord. La chanceuse et la chanteuse aussi, les deux. Mm-hmm. Et fait qu'on c'est un petit cadeau pour nous faire patienter, mm-hmm. en plus des 12 jours où on va vraiment recevoir des cadeaux. on était contents. En fait, on ne sait pas si c'est ça où ils voulaient vraiment que le faire du bruit autour de l'application d'après pour que le monde la télécharge moi, déjà. Il n'y en a pas de télécharge. Il y en a beaucoup de monde qui ont téléchargé l'application, je pense. C'est ça. De toute façon, on a quand même... Tu penses? Je pense... Ou le downloader tout de suite, là, parce qu'on ouvre l'application, tout ce que ça nous dit, c'est « attends 9 jours ». Ben là, écoute. C'est ça. Parce que t'as rien d'autre. Là. C'est comme s'il l'avait lancé un peu trop d'avance. Ouais, c'est ça, parce que tu fais couvrir l'application, puis à chaque jour, tu vas avoir « OK, le fond, il est beau, là, les petits ouais. trucs. » C'est bon, Lord? Je sais pas, j'ai pas écouté, j'ai downloadé. OK. Mais gratis. Moi, j'aurais plus vu ça comme un calendrier de l'Avent. Ouais. Tu sais, pour oui. te rendre à Noël. Oui, exactement, là. Exactement. Ouais. Mais la tradition américaine, c'est Twelve Day of Christmas, là. OK. C'est plus ça que nous, ils pourraient nous donner un chocolat, quelque chose, une photo. Mais ouais. Je sais pas, un poster, un PDF. je sais pas. Mais non, mais on a hâte de voir ce que ça va être. Justement, ça va sûrement être des apps, des vidéoclips, des musiques, des trucs qu'on peut downloader facilement. Là. Fait que... Parlant de downloader facilement, ce qui est un de mes tics, en fait presque un toc chez moi, il y a Apple qui a sorti les Best of 2013. Mm. Est-ce que c'est ce que eux trouvent qui est le meilleur ou c'est ce qui a été le plus téléchargé? Beyond the Top Level Award. OK. Je fais rapidement la liste des applications. L'application iPhone App of the Year, c'est Duolingo pour apprendre des langages facilement. iPhone Game of the Year, c'est Ridiculous Fishing, A Tale of Redemption. iPad App of the Year, Disney Animated, une excellente application. iPad Game of the Year, Badland, qui est une application qui a un très, très beau fini. Le mm-hmm. graphisme là-dedans ouais. est incroyable. Music, Best Artist, The 2020 Experience, The Complete Experience by Justin Timberlake. Best Album, The Haste by Macklemore and Ryan Lewis. Très bon, The Thrift Shop. Ouais. Best Song, Royals by Lord. Et là, ils viennent de nous la donner, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est une des deux qu'ils nous ont donné. Et le Breakthrough Album, c'est Good Kid, de Mad City by Kendrick Lamar. Il est partout de ce temps-ci. Au niveau des livres, 10th of December de George Sanders, meilleure fiction. Meilleure non-fiction, One Summer de Bill Bryson. Teen Novel de Rhythmatist, qui deviendra en film bientôt oui. avec Jennifer Lawrence. Best Multi-Touch Book, Breaking Bad Alchemy by Sony Picture Television. Je vais tellement aller me chercher ça. ça doit être cool. Puis j'ai envie d'en connaître un peu plus sur mes personnages préférés de la série. Voilà, c'est ceux qui ont gagné cette année. Mais c'est bizarre, c'est comme toutes des choses qu'on connaît pas. Oui, oui. C'est à part Disney Animated, là, c'est comme ça, mm-hmm. c'est un très bon jeu. Là. Ben, Badland, moi, je le connaissais. Le Ridiculous Fishing, je le connaissais pas. Puis Duolingo non plus. Non, c'est ça. Ça me dit rien. C'est ce qu'ils ont pris parce que, tu sais, moi, je check quand même le top 10 des applications. Fait que je sais pas comment ils ont fait. Pour, c'est peut-être. C'est peut-être américain aussi, là. Nous autres, notre top 10, c'est un peu. Ah, oui, peut-être. Peut-être. Il y a un somme noteworthy. The Annual iTunes Store Award. Je pense qu'il y a beaucoup plus à cette liste-là, mais qu'on nous présentait en fait les noteworthy. Là. Mm-hmm. Bon. Okay. Moi, ça marche pas ici. Ça marche pas ici. Best of. Donc, oui, il y en a beaucoup plus que ça quand on se rend sur. Sur le site web, Best Triple Threat, Dungeon est là, le meilleur directeur, le meilleur film, Gravity. Donc, on a beaucoup plus là-dessus. Meilleur film, Gravity? Oui, ben, pour l'année, là, mais il s'en vient bientôt, je pense. Ouais, il s'en vient bientôt. OK, fait que c'est pas les ventes, d'abord. Parce que si... Non, je pense que c'est un choix. C'est vraiment... Meilleur podcast, c'est Editor's Choice pour le meilleur podcast, donc peut-être que pour les autres aussi. Puis on n'est pas dedans. Bon, ça arrive, là. Je m'excuse. Ah. Bon. Je sais que tu le voulais beaucoup cette année. Oui, c'est pour ça que je venais. Oui, je sais que tu es déçu. Award-winning podcast. Hum. Bon. Tu restes jusqu'à la fin quand même? Tu y réfléchis? OK. L'autre, c'est l'application Mailbox, maintenant, qui supporte... on sait, Mailbox, c'est quoi? C'est la nouvelle... l'application qui a fait rager le monde un peu quand elle est sortie, parce qu'elle était en file d'attente pour l'avoir. C'était gossant. Ça supporte maintenant iCloud? Oui, il se connecte avec, il se branche avec son iCloud. Puis Yahoo Mail. Oui. Intéressant. Puis si vous voulez un gig de plus, là, allez connecter votre compte Dropbox avec cette application-là, vous allez obtenir un gig gratuit. Sur Dropbox? Sur Dropbox. Oh, cool. Ah ouais. Fait que vous linkez votre Dropbox avec l'application. T'es rendu à combien sur Dropbox? 120 gigs. Ah oui, OK, t'en as acheté. T'en payes? Oui, j'ai acheté 100 gigs parce que j'upload dans l'autre 50 gigs par semaine. OK, excellent. moi, gratuit, j'ai depuis des années, là, on pogne toutes les pendant les promotions, je suis arrivé à 18-19 gigs en ce moment. J'étais à 11-12, je pense. Là, fait que c'est ça. Fait que allez linker votre compte Dropbox, vous allez avoir un gig gratuit. Okay. Bon, on va faire ça. Geneviève Borne, qui est à peu près la seule qui a une paire de lunettes Google Glass au Québec, va se foutre pas mal de la prochaine nouvelle parce que de toute façon, elle a un téléphone Android. Oui, mais elle a quand même un iPhone. Oui. Mais elle aurait dû faire vite pour aller la télécharger. Cette application-là, parce qu'elle est plus là. Donc, l'application My Glass de Google, qui est utilisée pour gérer une paire de Google Glass sur son téléphone, a été brièvement aperçue sur l'App Store. Puis ça a été enlevé. Donc, il y a quelques personnes qui ont dit l'avoir vu, puis elle a disparu. Donc, éventuellement, ça devrait arriver. Les lunettes qui sont prévues pour sortir en 2014, si je ne me trompe pas. Vas-tu en acheter une? Non. Non? Non. Non. Toi? Non plus. Je ne sais pas à quel prix. T'sais, si, mettons, si ça sort 300$, puis que, mettons, un Black Friday, t'en as des paires à 200, je vais aller les chercher. À 200$, oui, c'est correct. Puis d'ici le temps... Faire mettre des verres de prescription là-dedans? Je sais pas si tu... C'est une lunette, mettre les verres de prescription là-dedans? Non. Vous allez les garder. Bon, c'est ça. Vous allez les garder. Nous autres qu'on voit pas bien, tu sais. Google lance le service Google, Chrome Apps pour Mac. Ouais. What the hell? C'est une application... une application que vous installez sur votre Mac et vous avez toutes vos... au lieu de passer par le site Google, vous l'avez carrément dans votre Mac comme une application. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre navigateur. Ah, c'est comme un App Store, mais Google. Oui, c'est ça. Fait que toutes les applications Google sont là. My Drive, Gmail. Comme un mini-doc. Un mini-doc, oui, exactement. Ça, c'est un doc des c'est applications ça. Google. C'est correct, mais c'est pas... C'est pour promouvoir leurs produits auprès des utilisateurs. Mais c'est des très bons produits, je m'excuse, là, mais il y a des compagnies qu'il faudrait qu'ils prennent exemple sur les applications Google, parce que c'est comme... juste le My Drive, Oui. Que tu peux être 3-4 personnes jouant en même temps sur le même fichier. Tu sais, comme tu disais, toi, une affaire de workflow. Tu sais, chez Adobe, avec ton InDesign, tantôt, ils devraient prendre l'exemple de ça puis de créer un... Mais il y en a un, mais c'est pensé 2000 et non 2010. Plus loin, là, c'est bon. C'est pas pensé pour le 21e siècle. C'est-à-dire que ça t'encarcane, en fait, dans un workflow qui est dit traditionnel. Donc, un graphiste, un éditeur, un writer. Et puis là, la personne qui s'occupe du document InDesign peut utiliser InCopy, qui est un autre produit, et qui vient dans le Creative Cloud, là, si on s'abonne au complet. Fait que ça, c'est quand même bien. Mais qui donne accès à des boîtes seulement. Donc, par exemple, pour un journal, c'est intéressant parce que la colonne de Foglia, Foglia, il a accès juste à sa colonne, il prend son texte, il le met là-dedans, puis c'est tout ce qu'il y a à faire, puis c'est tout ce qu'il y a accès, tu sais. Puis il peut y avoir accès à distance, puis tout ça. Fait que ça permet à la personne de continuer à travailler sur son layout tout en laissant les gens populer les boîtes qu'il y a. Par contre, pour un catalogue, c'est inutile parce que tu peux pas le faire avec les boîtes de photos. Tu peux le faire seulement avec les boîtes de texte. Fait que t'es un peu mal pris. Puis, en tout cas, il y a d'autres problèmes. Mais oui, effectivement, ce travail collaboratif-là. Quoique, Adobe commence à offrir ce qu'on appelle Adobe in the Cloud, qui est une espèce de 100 gigs où est-ce que tu peux aller envoyer tes projets. C'est bon pour des petits à moyens projets. Ça va être intéressant. Ton client va pouvoir facilement aller mettre ses commentaires, faire le spoof reading, tout ça. Mais c'est quand même limité par ta connexion Internet. Fait que si tu le sais, t'en prends une bonne, mais c'est aussi limité par la connexion Internet de l'autre, là. Donc, faut que tout le monde upgrade leur connexion. Bon, mais c'est assez pour... Pour les découvertes, on a parlé en fait de Beyoncé qui a vendu 828 773 albums. Je ne suis pas un de ceux-là. Moi non plus. Mais semblerait-il qu'il est très bon. Donc, on se retrouve pour le prochain segment. Les amateurs de Mac, bonsoir. Mac Québec, le podcast. Nous revoilà. Ça n'a pas été trop... On n'est pas parti longtemps. Non, vraiment pas. Non, même pas aux toilettes, même pas le temps. Bon, tiens, regardez, on va mettre ça. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuebec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir rappelé les adresses où vous pouvez nous joindre. Manifestement, on ne le passe pas assez souvent parce que, à part Mathieu, il n'y a personne qui écrit sur PodMQ. C'est quoi le score de la game? Je sais pas, j'ai pas rechecké. Faudrait voir. On fait quand même des pas pires scores en rediffusion. On est content quand même. Ah oui, c'est 1-1. C'est 1-1. Bon. Quand vous écouterez ce podcast, cette nouvelle sera totalement inutile. Ouais, c'est Markov qui vient de compter. Ouh! Donc, les amateurs de Mac, bonsoir. On vous rappelle, c'est un segment où vous pouvez nous poser vos questions et on vous fournit les réponses. Des trucs, des astuces, en fait, qu'on a trouvé pour les utilisateurs. Donc, on a commencé à rentrer ça parce qu'on avait de moins en moins de questions. Fait qu'on fait les propres questions, puis on pousse ça un petit truc de temps en temps. Donc, on a deux questions cette semaine, soit une question de M. Michel Ricard, qui est sur Mac Québec Entraide. Je voudrais installer Bootcamp, mais il me dit qu'il faut que mon disque dur soit en FAT 32. Comment faire ça? Ensuite, je voudrais installer Parallel 8 pour mon Windows 7. Comment faire à partir de l'installation Bootcamp? Commentaire de Jean-Michel, il y a VMware Fusion aussi qui existe. Donc, cette personne-là, en fait, on a deux façons d'installer Windows sur un ordinateur Apple. La première, c'est avec l'assistant Bootcamp, qui est l'assistant de Apple et qui va formater le disque dur. Qui va faire une partition spéciale. Idéalement, en fait, cette partition-là devrait être en NTFS, si je ne me trompe pas. Idéalement, c'est pour ça, bien fonctionner. Donc, je ne sais pas, c'est quoi la version de Windows que tu essaies d'installer? Normalement, c'est Windows XP Service Pack 3 en montant qui devrait être installé et ça ne devrait pas t'obliger à avoir une partition en FAT32. C'est ça, parce que même quand tu prends Bootcamp, tu n'es même pas rendu à installer Windows quand il partitionne ton disque dur. Et il voilà. partitionne avant le disque dur et après tu installes Windows. Mais c'est ça, je comprends pas la version FAT32 parce que ça vient en NTFS Windows. Là. Fait que quand tu installes Bootcamp, je sais pas c'est quoi. Donc ça peut dépendre en fait. Peut-être que c'est une demande qu'il te fait parce qu'il voit pas qu'il peut le mettre en NTFS. Ça voudrait peut-être dire que tu as une version trop vieille de Windows, comme on l'a dit. Là. Idéalement, installer un Windows 7 ou quelque chose comme ça. Mais sinon, en insérant disque Windows dans les utilitaires, tu peux formater la partition quand tu as l'écran bleu. Là. Aussi. Oui. Rendu là, tu peux dire « Format telle partition en NTFS ». Le disque Utilities ne le fera pas, mais le CD de Windows va le faire. Donc, juste... une fois que tu as fini, quand tu rebootes du CD de Windows pour l'installer, la première affaire qu'il te fait, il dit sur quelle partition, là, tu vois l'écran bleu avec les lignes jaunes. Là. Donc, peut-être vérifier s'il vous oblige dans Bootcamp à formater en FAT32. Je ne sais pas si on peut passer par-dessus le processus. Sinon, vous pourriez formater la partition en FAT32 et une fois rendu sur le CD, lui demander de la reformater en NTFS. Mm-hmm. Sinon, ensuite de ça, il voudrait installer Parallel 8 pour son Windows 7. Donc là, on apprend, en fait, c'est un Windows 7 qui installe pas ça sur du FAT32. Là, tu vas vouloir pitcher ton ordinateur par la fenêtre. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ça se fait. Il dit Parallel 8. Non, c'est ça. Donc, dans Windows 7, ça n'existe plus. Peut-être qu'il y a une mise à jour du système d'exploitation à faire qui viendrait avec une mise à jour de Bootcamp et qui te mettrait à une version plus récente. Parce que si tu as quelque chose de trop vieux, par exemple 10.6, il est possible que c'est ça ne s'installe version, pas. C'est ça, parce que là, on n'a pas l'information du système d'exploitation qu'elle utilise. Ouais. Fait que c'est peut-être un vieux macOS. 10.6, puis ça ne supporte pas 10.1. Ça ne supporte pas Windows 7. C'est clair que ça n'installera pas en FAT32, parce que le FAT32, je pense qu'il y a une limite de 4 gigs. Une limite de... Pas une partition de 4 gigs, c'est des fichiers d'une grosseur maximum de 4 gigs. Ouais, c'est ça. Fait que tous les fichiers sont plus petits que ça. Ouais. C'est très chiant sur une clé USB. Là, les gens t'appellent souvent, ils font « Hey, mon vidéo X-Fat. De 5 gigs! » X-Fat, voilà. Sinon, pour ce qui est de... En fait, c'est ça. Donc, on a dit qu'il y a deux façons d'installer Windows sur l'appareil, soit en Bootcamp. En Bootcamp, le désagrément, c'est qu'il va falloir redémarrer du côté de Windows pour pouvoir utiliser le Windows. Et il y a Parallel. Et ce que lui veut faire, c'est d'utiliser les deux en même temps, ce qui est pas bête, en fait. Donc, si tu veux faire quelque chose de plus petit, un document Office, une base de données dans Access, du simple comptable, tu ouvres ton Parallel, tu le fais. Et ton Parallel est en mesure d'utiliser ta partition Bootcamp comme Windows. Donc ça, il le fait. Fait que tu l'utilises rapidement, tu ouvres quelque chose, puis tu le fais dans ton système Apple. Donc, on a ouvert Parallel dans Apple. Le Parallel a ouvert la partition Bootcamp, puis là, tu fais quelque chose. Et quand tu vas redémarrer ton ordinateur, ben il va être là. Fait que théoriquement, tu peux installer un jeu vidéo à partir de ton Parallèle, puis là, ben, tu fais d'autres choses dans ton Windows. Maintenant, tu n'es même plus obligé d'avoir la fenêtre Windows ouverte. Hein? Oui, exactement. Tu peux l'avoir en, ils appellent ça Coherence Mode, le mode cohérence. Donc, c'est que tes applications sont présentées le plus possible comme si c'était une application native du côté Mac. Donc, tu installes ton jeu dans Parallèle, puis quand il a fini d'installer, puis que tu as continué à faire ton Facebook, ton YouTube, puis tout le kit, ben, whoop, tu redémarres ton ordinateur, tu pars Steam ou whatever, puis tu joues parce que ton Parallèle te permet de contrôler ta partition Bootcamp. Donc, c'est intéressant si c'est aussi large que ça, ce qu'on veut faire avec. Donc, s'il y a du jeu vidéo et de l'application un petit peu plus modeste. Mais si c'est simplement pour rouler un simple comptable, on n'est pas obligé d'installer Bootcamp et d'immobiliser une partie de son disque dur à soutenir une partition Windows. On peut simplement installer Parallèle, une machine virtuelle qui va grossir en fonction des besoins. Et à ce moment-là, on la laisse dans le Parallèle. Le Parallèle est capable de partager aussi une partition Bootcamp. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux installer Bootcamp. Oui. Puis là, tu as une partition de laquelle tu peux booter pour aller jouer à tes jeux. OK. Puis si tu veux, quand tu es dans macOS, tu peux ouvrir Parallèle. Il va aller travailler sur de ta partition. Oui, c'est ça. C'est ce que j'expliquais plus tôt. Voilà. D'accord. Donc, ça fait pas mal le tour. Jean-Michel, lui, nous propose VMware Fusion, qui est un autre logiciel. Il est le même, lui. Oui. Tout qu'on dit parallèle, il dit oh, Fusion. Oui. Ouais. Lui il utilise celui-là. Personnellement, j'aime mieux parallèle. Je trouve qu'il est plus simple à utiliser. Mais je sais qu'il y a certains puristes qui aiment mieux effectivement le VMware Fusion, qui est un très bon logiciel d'une compagnie qui est très respectée et qui fonctionne très, très bien. Moi, j'ai une question dans ce sens-là. Vas-y. Puis c'est un problème que je vis présentement. Fait que j'aimerais ça vous en parler. Ah ouais, vas-y. Là, que j'ai justement sur le portable de ma copine, j'ai installé Bootcamp avec une partition. Puis là, quand c'était Windows XP, je pense que j'ai installé. Puis j'ai regardé sur la boîte, puis ça disait il faut 16 gigs. Je suis comme bon, OK, je vais faire une partition de 24 gigs. OK. Puis là, on a fait tous les updates. Puis ça a fait 20 gigs. OK. Puis là, faut qu'elle travaille là, avec des logiciels là-dessus, puis elle crée des données sur sa partition. Puis là, on est rendu qu'il reste 400 MB. Ouais. Est-ce qu'il y a une manière d'agrandir la partition? Oui, il y a un logiciel qui permet de le faire, c'est iPartition. Si tu le fais avec autre chose que ça, tu risques de te péter la gueule. Ouais, okay. Donc, moi, j'utiliserais iPartition pour augmenter cette partition-là. Il me semble que l'outil est en mesure de le faire. Je vais aller essayer ça. Puis si elle perd sa thèse, c'est de ta faute. Sac ça dans Dropbox avant. Je veux pas être responsable non, des non, thèses non, du monde. Non, regarde, on va essayer ça, effectivement. Mais merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est un puits de connaissances. Puis là, on n'avait rien à donner aujourd'hui. Puis de toute façon, tu fais partie de l'équipe. Fait que, que ceux qui posent des questions en live, qui nous fournissent des questions pour qu'on n'aille pas l'air bête avec deux questions, puis le faire « Ouais, nous, on est des experts, puis le monde nous font tellement confiance qu'il y en a deux par semaine qui nous posent des questions. » Quoique, c'est pas tout à fait vrai. Je pense qu'il n'a pas regardé dans les emails. On en a eu quelques-unes. Ouais. Moi, j'en ai plein des questions, hein, si on voulait. C'est vrai? Oui. OK, on va en essayer une autre. Go! OK. Moi, il faut que je travaille. J'aime ça travailler avec un Magic Trackpad. Oui. Mais j'ai des logiciels qu'il faut sur lesquels il faut absolument un troisième bouton. Mm-hmm. Le button 3. Comment je fais pour avoir un troisième bouton sur mon Magic Trackpad? C'est ça, hein? Il n'y a pas l'option. Il n'y a pas d'option. Par contre, il y a probablement des logiciels qui pourraient le faire et qui permettent de reprogrammer le truc. Il y a même... ça doit s'appeler quelque chose comme Magic Carpet. Je suis sûr, là. Ça doit ressembler à ça, là. Quoi, ouais, ouais. Okay. Donc, ça doit donner la possibilité que de dire, ben si je clique à trois doigts... Magic Pref. OK. Voilà. Donc, tu sais, je dis, bon, ben, trois doigts, finalement, c'est pas la petite vidéo que tu me montres, c'est tel truc. Et si je me trompe pas, faudrait que tu demandes à Martin Resch, à Safe Solvent. Mm-hmm. Lui, il en a un logiciel qui connaît, qui fait ça. Et si je me trompe pas, il le fait par application. Donc, tu es capable de granulairement aller dire dans Photoshop, je veux que tu fasses ça. Dans si je bascule à Final Cut, je veux que tu fasses ça. Okay. Puis il va le faire à la volée. Donc, voilà. Il me semble que c'est ça que j'ai vu qu'il proposait les dernières fois. Ou, ah non, excuse. Il sait probablement, mais lui, c'est un logiciel qui permettait de gérer la grandeur des fenêtres. Oui. Puis de le gérer aussi au niveau des résolutions. Donc, tu pouvais dire, bon, ben cette fenêtre-là, je veux que si je suis en telle résolution, parce que ceux qui font de la vidéo, des fois, ils vont aller jouer avec les résolutions de leur écran. Surtout en Retina. Mm-hmm. Pour quelle raison on fait ça? J'ai comme pas saisi. Pour qu'on joue avec la résolution de l'écran? Oui, parce que normalement, tu fais pas ça parce que ton écran devient flou. Non, ben d'habitude, tu travailles toujours à 100% de ta résolution. Oui. Mais en Retina, tu travailles à 80% de ta résolution. Comme moi, mon écran de 2000, je sais pas, 500 par quelque chose de Retina. Ah, OK. Mais en fait, quand j'ouvre une image de 1920 par 1200 dedans, il est plein écran. OK. C'est ça le Retina, c'est que ça en fait, tu as plus de résolution que ce qui te montre. Fait que tu vois pas les petits carrés. OK. Fait que nous, en fait, par défaut, le 15 pouces Retina, il y a vraiment une résolution d'un 15 pouces. Comme on avait dans la génération d'avant. OK. Fait que quand je dis « ouvre une image de 1920 par 1200 », ben il l'ouvre comme plus gros, mettons, à 100%. OK. Alors, pixel pour pixel, là, il fait faux. Puis il y a bien la plupart des logiciels professionnels sont faits pour travailler sur le traditionnel 24 pouces 1920 par 1200. OK. Donc, puis pour avoir un 1920 par 1200 en Retina, il faut que tu ailles à scan de le plus, celui qui te donne les plus petits icônes. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais... Show all. Display. Il faut que tu ailles à More Space. Fait que ça, c'est où que tu gères ça? Tu vas dans Préférences, dans Display. Moniteur. Là, j'ai moniteur à l'échelle, résolution à l'échelle. Ouais, t'as Best for Retina, puis t'as Scaled. OK, police plus grande ou plus d'espace? Plus d'espace. Plus d'espace. Puis là, si tu fais ça, là, t'as que tes icônes sont plus petits. Là, t'as l'équivalent de 1920 par 1200 sur ton okay. écran. Puis tu peux avoir, avec certains logiciels, tu peux avoir le full 2500 par... OK. Fait que tu peux avoir vraiment... Puis là, tu as de l'espace pour travailler dans Final Cut parce que tu as ta petite fenêtre avec ton vidéo HD dedans. Tous les fois, les icônes gratis. Là. Ouais. Hein? Ça fait que, mais 1920 par 1200, c'est super confortable. Non, c'est le plus gros que tu peux aller sans hacker. Ah! Oh. Hein? Du Baileys, non? Des biscuits? Non, non. La plug. Fait que c'est pour ça. Puis dépendamment, des fois, des logiciels, dépendamment dans quel format tu es ferme, ben des fois, ils vont coller des fenêtres une à côté de l'autre ou ils vont en mettre une en arrière de l'autre parce que c'est une résolution qui est plus petite. Oui. Fait que c'est pour ça que c'est le fun de dire à ton logiciel, ben quand je suis en résolution-là, garde telle apparence. Donc, on a besoin de logiciels comme ça parce que c'est pas encore tout à fait... Tu sais, le Retina n'est pas un standard, mais il te permet de faire certaines choses, mais faut que tu le tweaks. Donc, ces questions-là, par exemple, quand toi, tu fais un cours, est-ce que tu l'expliques aux gens avec qui à qui tu fais le cours, tu sais, ces affaires-là sur le... Non? Non. Tu devrais? Ben... Tu devrais reprendre toute ton explication? Non, mais je fais pas des... Non, je leur donne pas des explications sur comment utiliser sur tel ordinateur okay. plus que tel ordinateur. Non. OK, je comprends. Fait que non, je me rends pas là. Les affaires que je parle, mettons, pour certains ordinateurs, c'est comme, mettons, les MacBooks qui ont deux cartes graphiques. Oui. Tu sais, des fois, tu vas booter, tu vas être sur l'Intel, des fois, tu vas être sur la carte NVIDIA. Ben, il y a des logiciels qui vont juste se servir de la carte NVIDIA. GFX Status ou quelque chose comme ça. Fait que, oui, mais comme Final Cut va faire ça. OK, qui va juste utiliser, oui, OK, je comprends. Ou que les performances vont être bien moins le fun quand tu es sur la chip Intel. Fait que c'est d'aller désactiver dans le Energy Saver, d'aller désactiver le Automatic Graphic Switching quand tu travailles avec des applications vidéo professionnelles. Fait que comme ça, tu travailles toujours de ta carte NVIDIA et jamais de ta carte Intel. Okay. Comme ça, tu es sûr que... Puis là, ça va mieux parce que les premiers temps, il fallait que tu reboot pour passer d'un à l'autre. Maintenant, ça le fait tout seul. Il fallait que tu log out. Oui, mais les là, premiers, c'était fatigant. Hein? Ouais. C'était pas terrible. Quand ça, c'est désactivé... la carte Intel, elle sert à quoi? Est-ce que l'ordinateur s'en sert quand même? Non. Il ne sert pas d'aucun calcul de l'Intel non. pour prendre la puissance quelque part qu'il a besoin, non? Non. Il pourrait. Oui, ben ça serait... On a pensé, en fait, qu'elle allait le faire éventuellement, puis ils ne l'ont jamais fait. Mais d'après moi, l'empreinte thermique serait trop grande s'il faisait ça. Je ne sais pas, parce qu'en plus, c'est la tendance en ce moment d'avoir une petite carte qui dessine ton écran et d'avoir une grosse carte qui calcule. Qui roule en arrière. C'est comme un coprocesseur. Ouais, là. Ouais. C'est ça. Mais on va voir. Peut-être avec la carte Iris des nouveaux MacBook. Peut-être, je ne sais pas, justement. Je ne connais pas là-dedans. Mais l'autre inconvénient, c'est que ça te prend la RAM de RAM. Ouais. Ça partage ta RAM aussi. Fait que il y a peut-être ça qui fait que... Mais... Bon. D'accord. Ça fait le tour de ce petit intermède. Ben oui. Hey, j'ai posé et répondu à des questions. Bravo. Ben, tu vois, on t'a pas invité pour rien. Autre question. Oui. Nous vient de André Pelletier sur Mac-Québec Entraide. Mm-hmm. Mon partage à domicile est activé sur iTunes et sur mon Apple TV. Par contre, sur le Apple TV, ça me dit toujours de l'activer sur iTunes. J'ai même essayé de désactiver le firewall sur mon ordi. Comment régler ce problème? T'en as pas eu des problèmes de home sharing, toi? Non. OK. Ben moi, ce que je ferais, c'est que j'irais trouver iTunes. Oui. Toi, t'as ton compte iTunes Store. Tu rentres ton login, ton mot de passe, puis tu fais désactiver tous ces appareils. Ouais. Puis tu recommences à neuf. Tu recommences à neuf, effectivement. Moi, c'est le souci. Tu peux le faire une fois par année, Mais... Si, mettons, désactiver d'un bord, désactiver de l'autre, puis réactiver d'un bord, réactiver de l'autre. Si tu l'oublies quelque part, là, ça vient mélanger. J'ai toujours surpris le nombre d'activations qui sont là. Moi, j'en ai 4. Moi, on s'est dit 6 ordinateurs activés, c'est comme, ben, mon Dieu. Pas plus que 5. Pas plus que 5. Donc, 5 ordinateurs activés, puis là, t'es là. Attends, aussi, j'ai mis ça. Ah oui, c'est ça. Là, tu fais comme, ah ouais, j'étais le client, ah ouais, j'ai fait jouer, ah ouais, OK. C'est ça, tiens. Désactiver, t'as 3 clients qui t'appellent, moi. C'est ça. On fait ça souvent, non, c'est pas vrai. Mais non, c'est peut-être une autre idée. Sinon, moi, c'est ça serait ça le plus simple. Parce que ça n'a pas rapport avec le firewall. Là. C'est comme. C'est vraiment. Non, effectivement. C'est vraiment la connexion qui se fait pas entre les deux. Là. La synchronisation sur iCloud, effectivement. Mm. Faut que tout le monde aille soit sur le même Apple ID. Oui. Pour faire un home sharing, c'est le même. Fait que, tu peux en faire plusieurs. Avec le portable de, je sais pas, de son fils, mettons. Là, ça marche pas. Faut qu'il rentre son Apple ID sur le portable de son fils pour que ça fonctionne. C'est ça. Et vice versa aussi. Parce que ça prend juste un compte pour vice versa. Restez proche du micro, les gars. Ça prend juste un compte pour faire vice versa. Reste proche un de l'autre. C'est ça. Un de l'autre. Mm. En fait, c'est un guide sur lequel je suis tombé. Une dizaine de pages faites par Ars Technica qui ont des articles très longs. Et c'est un Power User Guide pour les gens qui voudraient installer l'application serveur sur leur ordinateur. Donc, l'application serveur qui est toujours 20$, mais qui permet de avoir Active Directory, en fait, Open Directory, de créer des share folders, d'activer des services comme iCal, carnet d'adresses, de créer des utilisateurs là-dedans. C'est quand même assez intéressant. Ça permet de gérer de se créer un VPN. Par contre, il y a de la job pour un VPN si tu n'as pas une adresse IP fixe. Va falloir que tu travailles fort avec un DIN DNS, entre autres, puis avec des applications qui vont t'envoyer par email ta nouvelle adresse IP, tout ça. Le serveur te prend vraiment par la main dans la version 10.9. Yeah. Essaye au minimum parce que les problèmes dans la configuration d'un serveur, c'est toujours, toujours au début et c'est toujours, toujours le DNS. Le DNS est ton meilleur ami, puis s'il y a un problème, c'est le DNS. C'est tout le temps ça. Donc, il essaie de te prendre le plus possible par la main pour que ton reverse lookup fonctionne, pour que toutes les adresses soient en phase. Mais pas autant qu'un Wizard Windows, là. Pas autant, là. Tu sais, pas êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr, sûr? T'es-tu sûr, sûr, sûr? Cliquez ici pour pas vous faire demander une quatrième fois. Mais c'est quand même très bien fait. On va mettre dans les notes du podcast ce petit guide-là qui m'a appris 2-3 trucs. C'est assez intéressant. Ça fonctionne-tu bien avec un, mettons que tu as un réseau Mac et Windows? Et tu gères... Une des nouvelles fonctionnalités dans Mavericks, puis on l'a expliqué, je pense, il y a quelques semaines, l'AFP, le Apple File Protocol, est deprecated. Donc, ça veut dire que Apple a décidé de l'abandonner au profit du SMB2, donc de Samba 2. Oui. Et il y a des benchmarks qui sont sortis sur Internet. Et par exemple, un ordinateur en 10.9 connecté à un serveur Samba, un serveur Windows Samba, irait là, jusqu'à 2 fois plus vite avec ce nouveau protocole-là. Contrairement à l'ancien, par exemple, dans une version 10.7.5, où est-ce que le Samba, c'était la première version. Donc, qui est plus stable, qui est plus fiable, mais qui est beaucoup moins rapide, puis qui est, que ces problèmes-là. Là. Donc, le Samba 2, ça peut être intéressant. Le truc, c'est que si vous montez un serveur dans un ordinateur, assurez-vous donc de le laisser chez vous, parce que à chaque fois que vous allez le plugger sur un nouveau réseau, les DNS ne seront pas bons. Puis l'adresse IP, tu sais, ça va chier à patente. Là. C'est un serveur, c'est un ordinateur qui reste tout le temps à la même place. Donc, faites pas ça sur votre MacBook Pro. Là. C'est pas une bonne idée. Non, un petit Mac mini. Yes. C'est ça que j'ai à la maison. Moi, ça fonctionne très bien. Puis c'est une vieille version. Puis en ce moment, on est en train de streamer d'un Mac Pro 4.1. On est capable de trouver de ces machines-là quand même à bon prix. C'est une machine qui date quand même de 2009, si je ne me trompe pas. Puis c'est Maverick avec le serveur qui roule dessus sans problème. Wow. Donc, pas mal intéressant. Voilà, on vous fait une petite publicité et puis on revient pour terminer le show après ça. Le podcast Mac Québec se poursuit dans un moment. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuebec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. Besoin d'aide pour votre réseau? Mac Québec, le podcast. Voilà, on est de retour et Mathieu qui y va d'un petit selfie. Photobomb! Voilà. C'est super rapide avec mon iPhone 4. Incapable de faire, sans faire exprès, des Matrix Effect avec ces téléphones-là. Ah, il est en train de jouer dans c'est Instagram, là? Ouais. J'ai trouvé un petit vidéo qui expliquait Instagram, puis « I didn't get it », puis tout ça. C'est un gars sur YouTube qui fait des vidéos, qui est très populaire, et il se fait payer pour faire des vidéos par des grandes marques. Mais habituellement, il essaye de faire une vidéo qui est un peu en marge, puis qui fait « Regarde, je ne vais pas te faire une vidéo avec des effets spéciaux. » Je me souviens plus qui c'est. Oui, il y a un film avec Ben Stiller qui s'en vient, qui est La mystérieuse aventure de je sais pas quoi. Ouais, 20th Century Fox a contacté ce gars-là, okay. qui son nom m'échappe, là, mais c'est faudrait que je le retrouve. Et le gars, il a dit, ce film-là est à propos de voyager, puis à propos d'être tout le potentiel que tu veux. C'est un feel-good movie. Il dit, fac, c'est ça qu'on va faire. Donne-moi le 25 000, je m'en vais aux Philippines. Puis, rendu aux Philippines, il se fait trimballer un peu partout au warehouse. Il achète pour 25 000 piastres de stock. Il fait des sacs de bouffe, des sacs de ci, de ça, pour aider les gens qui ont été touchés. Puis, il dit, c'est ça que ça ressemble. Une fois que c'est monté, là, il est devant un autobus parce qu'il n'y avait pas de camion qui était capable de tenir la charge. Fait qu'ils ont loué deux autobus. Puis, il dit, c'est à ça que ça ressemble le budget marketing pour ce film-là. Comme une partie du budget marketing pour ce film-là, c'est ça qu'on a été capable de faire avec. Puis il s'en va, là, où est-ce que le monde sont dans le trou, puis il leur donne des sacs de bouffe. Mais c'est très, très... Le gars, il est New-Yorkais, puis c'est entre autres lui qui avait fait des vidéos de combien de temps ça prend à New York avant de se faire pogner à voler un vélo, tu sais. Puis le gars, le premier truc qu'il fait, c'est avec sa scie, tu sais. Puis ici, pendant 6 minutes, son truc, il y a personne qui passe à côté de lui, il fait... « Hey, qu'est-ce que tu fais, Pompon? T'es en train de voler un vélo? » Des calices, tu sais, votant. Puis évidemment, il le fait sur son propre vélo. Fait que dans cette vidéo-là, il en fait plusieurs. Puis à la fin, il utilise carrément une espèce de drill électrique. Pas de drill, mais un espèce de cutter électrique. Là, ça fait du spark, puis ça fait du bruit, puis tout. Puis là, comme il y a 5 policiers qui s'en viennent pour l'arrêter. Puis là, il leur explique. Il dit « Oui, regardez, il y a une caméra. C'est mon vélo. J'ai la plaque, tout le kit. » C'est une expérimentation que je fais en vidéo pour mettre sur YouTube. Fait que là, les policiers, ils ont comme pas vargé d'en face. Puis, il leur a demandé comme combien vous en arrêtez. Puis, on dit, c'est la première fois qu'on arrête un voleur de vélo, tu sais. C'est parce que t'étais en train de faire un show multimédia dans Times Square, là, tu sais. Pas dans Times Square, mais dans... Avec son Dremel. Ouais, c'est ça, son Dremel électrique. Va falloir vous laisser, mais on vous rappelle nos gentils amis, les commanditaires. Donc, ClickPom, que vous pouvez trouver au clickpom.com. Vous pouvez l'écrire clickpom.com ou clickpomme. On a acheté les deux noms de domaine quand on s'est rendu compte que le premier était un peu anglicisé. Donc, on a les deux. Vous pouvez aussi nous trouver sur Twitter, Facebook, tout ça. Donc, on offre du service à la maison et en entreprise pour installer vos Macs, les configurer, puis s'assurer que le tout fonctionne bien. Si vous n'avez pas les moyens, par exemple, de vous payer un service IT, ça peut être une bonne solution. iRepair Montréal, les sauveurs de vie professionnels que vous pouvez retrouver au iRepairMontréal.com ou vous pouvez passer les voir à leur boutique située en plein centre-ville de Montréal au 1184 Sainte-Catherine-Ouest, suite 101. Un petit truc, si jamais vous échappez du liquide dans votre ordinateur, rapidement appuyez sur le bouton « Power ». Une fois que l'ordinateur est éteint, et qui s'est éteint à cause du bouton power et non pas à cause d'un liquide qui a touché de l'électricité et qui a causé un spark. À ce moment-là, vous êtes à moitié sauve. L'autre partie, c'est de l'amener aux gens de iRepair, faire passer l'ordinateur dans un bain sonique et une fois bien nettoyé, ben il va fonctionner d'abord. Et dans un deuxième temps, ben il y aura pas de résidus dans l'appareil qui vont faire qu'éventuellement, on sait pas pourquoi, mais la touche E de votre clavier est plus capable de fonctionner, ou le AirPort finit par déconner, ou votre disque dur perd votre thèse ou la thèse de votre blonde, parce que le sucre que vous avez laissé à l'intérieur de votre Coca-Cola ou de votre café a fini par gruger les fils. Le sucre, c'est bon pour personne, c'est même vrai. Votre portable. Même moi. Tout le monde me le dit. Coopucam, boutique informatique. Évidemment, on le sait, il y a les Apple Store. Si vous voulez un service un petit peu plus personnalisé ou disons un nombre de dB, disons-le, moins élevé dans un magasin, parce que c'est assez loud et assez oppressant des fois quand on rentre dans un Apple Store. Donc, il y a peut-être des gens qui veulent une atmosphère un petit peu plus léger, ça existe. Donc, vous pouvez passer à la coop UQAM. Pas besoin d'être un étudiant, là, tout le monde peut non, y aller. Non, effectivement, ils vont donner des conseils égaux à tout le monde et ils sont en mesure de vendre autant les produits éducationnels que les produits non éducationnels. Ils ont une licence commerciale, donc ils peuvent commander le produit et souvent ils s'assurent d'en avoir en stock. Donc, vous rentrez acheter un MacBook Pro, ils en ont fort probablement un là, pour vous. Et c'est situé au 279 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal, où vous pouvez aller sur le site de Coopucam. On remercie aussi ReptileTech, que vous pouvez retrouver au reptiletech.com. L'INIS, où Mathieu travaille, donc sur inis.qc.ca, où vous pouvez passer les voir au 301 boulevard de Maisonneuve Est, tout juste à côté de la Cinémathèque québécoise. C'est un endroit très charmant qui a été décoré très, très au goût du jour. Oui. C'est ça, épuré. Oui. Puis avec des vitres. C'est très, très Apple comme vision, mais c'est une ancienne école primaire. Donc, on s'en rend compte quand on monte les marches. Oui. Il n'y a pas d'ascenseur, puis tu montes les marches, puis tu fais comme, moi, je me sens en rang du plus petit au plus grand. Puis, tu vois les classes aussi, comment c'est fait, c'est comme ça. Voilà. Je vais attendre que la formation de 10.9, puis je vais aller faire ma... C'est une bonne idée. Oui, on peut faire les certifications. Les certifications, parce que là, c'est encore 10.8 qu'ils ont. Là, fait que je vais attendre 10.9. Là, on devrait être à veille en 2014. Là. Voilà. On remercie les studios Le P pour les indicatifs audio qui crachent pas mal et qui vous tiennent réveillés et qui nous tiennent réveillés aussi pendant la diffusion. Ouais. Et on remercie Telestream pour le logiciel Wirecast qui est maintenant en version 5.01, si je ne me trompe pas, une petite patch qui est sortie. Pour plus d'informations sur Telestream, vous pouvez aller voir sur Wirecast, vous pouvez aller voir sur telestream.net. Remerciements à Mathieu Marano du Front créatif de Montréal. On n'a pas fait notre... à chaque show, depuis un bout de temps, en fait, depuis qu'on vous a rencontré au PostNab, on fait une nouvelle du Front créatif pour inviter les gens à aller voir votre site spécialisé en vidéo. Est-ce que c'est dans la continuité pour le Front créatif ou il y a des nouveautés qui s'en viennent ou on se prépare pour le NAB loin? Oui, on se prépare pour le NAB. C'est sûr qu'on, là, en revenant des fêtes, on boucle l'hôtel puis les billets d'avion puis... On part là, aller faire des trucs. Sinon, on a notre podcast qui va être sûrement sur RZO. Oh. En revenant des fêtes. Oh! C'est une annonce, ça, quand même, hein? Parce que les gens ne le savent pas qu'il y a des shows qui s'en viennent en 2014. Ben oui, ça. Non. C'est pas annoncé encore. Primeur, c'est correct. Puis sinon, on va prendre. Je pose un petit break pendant le temps des fêtes parce que je m'en vais au chalet. Mais sinon, on revient, puis. Oui, on. Puis sinon, il y a des cours, des conférences, puis tout ça. Là, fait que. Vous avez. Tout a été ramené sur le site Front Créatif. FCMTL.com. Oui, c'est ça. Mais faites-vous encore des présentations comme vous en faisiez avant? Non. Ben en fait, nous, on n'en organise plus parce qu'on a le podcast. Oui. Mais quand il y a des conférences à Montréal sur les sujets, on arrive avec notre régie puis on va couvrir l'événement. Excellent. Donc, quand il y a des démos de logiciels, de caméras, Fait que il y a ça. Puis on est allé faire des conférences au Cégep de Jonquière il y a deux semaines. Ah, OK, c'est intéressant. Pour les étudiants d'ATM qui étudient en télé puis en journalisme. Oui. Fait que excellent programme d'ailleurs. Oui. Puis on est allé là, puis il y avait aussi Martin Lessard qui était là. Ah. Puis un son frère jumeau et professeur à Jonquière. Ah. Fait que ça. On... C'est dans la famille hein, quand même. Oui. Les médias. Donc puis il a donné une conférence très intéressante. Il faut sûrement être en ligne parce qu'ils ont tout filmé. Donc si vous allez sur le site sûrement de l'ATM Jonquière. Faut nous tenir au courant. On est peut-être intéressé à aller faire des tours avec vous autres. Juste profiter de la bouffe gratis, là, ou whatever, là. Ça nous intéresse. Appelle-moi, ça m'intéresse. merci aussi, évidemment, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais la qualité, en fait, du podcast au niveau vidéo, au niveau mise en onde, est beaucoup améliorée depuis qu'on vous a rencontré, bizarrement. Ah, quel addon. Donc, merci beaucoup pour votre aide, les bons trucs, l'ouverture puis la générosité. Ben donc, là, ça fait voilà. Plaisir. Petite larme, tout le kit. Mmh. Même sentiment que dans la publicité qu'Apple. Jean-Michel Boily, aussi, qu'on remercie beaucoup pour la recherche et la préparation de l'émission. Il ne voulait pas qu'on l'oublie, c'est lui qui a préparé le document au complet. Mmh. Fait qu'il a mis son nom à la fin, puis il a bien raison de le faire parce que les documents sont bien montés, la structure du show est bien faite, puis on s'amuse à l'intérieur de ça. Puis je pense que les gens apprécient, le nombre de téléchargements augmente tout le temps. Semaine. Voilà. Sinon, JF, quand est-ce qu'on se revoit, nous? Après Noël, puis après le jour de l'an. OK. Fait quelle date? On n'est pas écrit là. En bas. 7 janvier. Voilà. Oui. 7 janvier. Le mardi 7 janvier, 20h. 7 janvier? 7 janvier. Non, ça n'a rien. Non, absolument rien. Super Bowl. Mais c'est la journée après le 6 janvier qui est sûrement le pire lundi de l'année en revenant des fêtes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est horrible. Oui, c'est la semaine des 4 jeudis aussi. Ben, en fait, non, pas cette année. Non, parce que ça peut être le premier jeudi, ça peut être un jeudi, le premier jeudi de la semaine, ouais, jeudi vrai, de l'année, puis jeudi de la décennie, puis t'as la semaine des 4 jeudis, fait que là, il y a le catch qui rentre ou qui sort, c'est selon. Ouais. Jean-François, est-ce qu'on peut te retrouver sur les intertubes? On peut me retrouver sur Twitter, @JFRoy1979. C'est plus calme, hein, sur Twitter dernièrement? Ouais, toi aussi, hein? Ouais, pas mal. Ouais, c'est ça. Grosse saison, là, on travaille fort. Ouais, c'est pour ça. C'est calme. Sinon, mon ami, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les intertubes? Les intertubes, au ILOVEHE, ILOVEHE.net. C'est un jeu de mots, by the way, le U. C'est HUE, c'est comme tonalité de couleur. C'est de même, ça se passe. C'est brillant. Il y a ça au FCMTL, sur Twitter, à ILOVEHE. Sinon, au MathieuMarano.com. Sinon, je suis partout. Là. Tu gères tout ça, là? Oui, je gère tout ça. Seul. Wow. Seul. Impressionnant. Ouais. Sinon, il n'était pas parmi nous, mais en esprit, Jean-Michel, que vous pouvez retrouver au @JM_Boily sur Twitter. Mm-hmm. Moi-même, que vous pouvez retrouver au Alex Cornelier sur Twitter, où j'écris de moins en moins. Je suis sur Badou de ce temps-ci. Ah. Donc, j'ai écrit ailleurs. Oui, c'est ça, j'ai écrit ailleurs et d'autres choses. Donc, de la part de toute l'équipe de Mac Québec, on vous souhaite une joyeuse fête et une bonne année. Oui? J'ai une annonce. Oh, vas-y. Si vous n'avez rien à faire samedi soir, oh, il y a le Noël des mystérieux étonnants. À 21h. J'allais l'oublier, Benoît m'aurait fracassé la tête ben à oui. coup de... Ben oui, t'aurais coup de frappé. Oui, je vais y être. Oui, je vais y être pour les regarder. En fait, on ne m'a pas offert de spot parce que le show s'étirait. Oui, c'est ça. C'est il a dit, il a coupé dans le... C'est ça. Il a coupé dans la... Je sais pas pourquoi, moi, il m'a coupé. Il a dit, j'ai gardé meilleur, mais je comprends pas. Moi, je vais être là, puis... puis je vais faire une chronique, là. Je sais pas de quoi tu parles. Ah, OK. Donc, il y a plein de surprises qui va y avoir à ce show-là. Ouais. Des bons moments de rigolade. Ouais. Si vous suivez un petit peu les mystérieux étonnants, j'ai entendu dire, peut-être, que le Jake du futur allait être là. Ah ouais? Je sais pas. J'ai entendu dire peut-être. OK. Donc, on a entendu parler cette année, mais je sais pas. Je ne sais pas si ça va se faire. Donc, samedi soir. En DeLorean. Oui, samedi soir à partir de 19h sur le site des Mystérieux Étonnants. Ouais. C'est Jason qui va s'occuper de la régie. Est-ce que tu es là aussi? Non. Non, OK. Mm. Parce que tu disais, ah, je vais être là, puis tout ça. Je me disais peut-être... Non, c'est okay. Ça, mais parce que c'est ça, il disait que je ne me souviens plus, mais il niaisait. Pour ça qu'il disait okay. Ça. Donc, Jason va être là pour s'occuper de la régie. Donc, le spécial de Noël en HD cette année. Ouais. Pas maquillé, ça risque de faire peur. Oui, pas maquillé. Je peux aller vous maquiller, moi. Hein? Je peux aller vous maquiller. Si vous tu peux aller nous maquiller? Ben ouais. Tu maquilles, toi? Moi? Ouais, moi, je beurre. Ça fait que Monsieur Fontaine. Monsieur Fontaine. Fait que c'est un rendez-vous samedi soir 17h mystérieuxétonnants.com. Voilà. Sinon, on vous dit à l'année prochaine. Oui. Bye. Bye. Bon, fait que là, on peut fermer ça. Fait que là. Arrêtez la diffusion. Et voilà. Huit personnes watching en vidéo.